tous les soirs de 17h à 20h sur Énergie. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Bienvenue tout le monde, merci les amis. Cette dame hier, la dame du supermarché qui ont fait un gros bisou. Parce qu'on va continuer la promo tout à l'heure, vous savez, c'est notre promotion qui ne coûte pas cher. Nous appelons les supermarchés et nous leur demandons de caser le fait que l'on est de retour sur Énergie. Et elle avait été magique, cette dame, on la réécoute. Chers clients, écoutez Coé tous les soirs de 17h à 20h sur Énergie. Et c'était fou parce que deux minutes après, elle en a refait une petite. Si je devais tromper mon mari, ce serait avec Coé. C'était énorme. Moi j'adore, elle est fantastique cette demoiselle. Bienvenue sur Énergie, est-ce que toute l'équipe est en forme? Oui. Ouais. Vous tous aussi, merci de nous écouter. Vous êtes peut-être dans la voiture, vous êtes dans les bouchons, tout va bien se passer avec nous. Tout à l'heure, on est là jusqu'à 18h dans notre studio pour le Bifort. À 18h, bim, on descend au moins 1. Vous vous en foutez de la géographie, mais je vous dis où on est. On sera au moins 1 en public avec beaucoup de gens, avec des invités dans les jours qui viennent. Aujourd'hui on est entre nous. Oui. Et surtout beaucoup beaucoup de bruit, deux salles, deux ambiances, mais c'est ça qui est bien. Merci de nous rejoindre. J'ai reçu un mail de la direction d'Énergie. Ah. Oui. À quel niveau? Concernant. Bah, positif. Il y a eu deux, trois petites remarques sur les gens de l'équipe, mais globalement. Je dirais ça. Gaël et Morgan, je les embrasse, j'ai reçu leur mail globalement positif. Ok. On est là demain. Ah. Au jour, les gars. Au jour le jour. Restez avec nous avant 18h, vous écouterez Armin Van Buren. Ah, j'adore ça. Dans quelques minutes, tu auras Big Flo et Oli aussi. Ça ira mieux demain. Gigi D'Agostino, comment vous dire que j'adore? J'aime tout. Mais lui, ouais. C'est le moniteur de colonie de vacances. Allez-y les gamins, chantez, c'est bien. Je vais faire des millions, allez jouer maintenant, allez jouer au ballon. Il est fantastique, il y aura Maître Gims et Vianney. Peut-on faire une émission sans Kenji? La réponse est... Non. Et alors il y aura quelque chose que j'aime beaucoup aussi, il y aura 3 cafés gourmands, vous connaissez ça ou pas? Moi, oui, c'est une j'adore. Tuerie. Ça rentre dans la tête. Je les invite, les 3 cafés gourmands. Je les invite. C'est ce que prend Jeff à la fin d'un repas systématiquement. Le nom du groupe, c'est sans régime alimentaire. Mais monsieur, un café gourmand. On a 3 cafés gourmands. Mais pourquoi s'arrêter là? Et puis mardi prochain, il y aura Quebla qui sera notre invité. J'ai remis l'ancienne, mais parce que j'avais envie de me faire plaisir. T'as raison. Dans l'émission aujourd'hui, restez avec nous, vous allez adorer. Il y aura un spécial dossier d'auditeur, tout ce qui vous a saoulé cet été. Donc 0870 42 48, on a déjà beaucoup de messages. Allez sur mon Facebook Coé officiel, allez sur tous les réseaux sociaux, vous êtes presque 10 millions à me suivre. Laissez des messages, vous nous dites ce qui vous a saoulé, on essaiera d'en passer le plus possible tout à l'heure. Ça peut être en musique, en actu, en sport, en tout. Vous pouvez tout nous dire. Qu'est-ce que l'on fera? Oui, tiens, demain, le dossier, je vous le dis avec un peu d'avance, demain, c'est le pire rendez-vous Tinder que vous avez pu avoir. C'est le dossier de l'émission. Et les gens de l'équipe, je dis pas ça en regardant Miko, mais vous pourrez témoigner à visage masqué. Très bien. C'est ça. Non, tu mettras ta main devant les yeux. Oui, devant les yeux, c'est vrai. Ça marche très bien. Et les gens diront, mais qui parle? Et hop, tu enlèves ta main, ils diront, c'était lui. On l'a reconnu. Tout à l'heure, nous aurons un dossier exclusif sur Britney Spears qui a fait son concert hier. Oui. Ah oui. Et ce soir encore. Voilà, et qui en refait un ce soir, et il paraît que voilà. D'accord. Donc. Le spectacle était... Comment dire? Non, j'exagère. Il paraît que c'était beaucoup mieux qu'avant. Scéniquement, beaucoup mieux qu'avant. Mais légèrement statique, diront les mauvaises langues. Oui. Voilà, une grande scène pour pas grand-chose. Mais... Ah ouais? Et le chant. Ah, c'est ce que j'allais dire. Voilà, le chant, ça, en playback. Ça pouvait être donc, nous en parlerons tout à l'heure avec un document exclusif. Le cash, 10 000 euros à gagner. Envoyez votre SMS en mettant Coé au début de votre SMS. Et si vous ne mettez pas Coé, ça part dans les méandres des SMS. Au 7, 10, 12, laissez vos coordonnées. Je vous offre peut-être 10 000 euros si vous trouvez la bonne juste enveloppe. Juste à 10 000 euros, ouais. Oui. C'est important, non? Oui, parce qu'il y a peut-être 6 000, il y a peut-être 7 000, il y a peut-être 2. Mais il y a peut-être. mais il y a en tout cas une enveloppe sûre à 10 000 euros sur quelqu'un de l'équipe. La Villa des animateurs. Que pensent toutes les stars de la télé de notre retour sur Énergie? Ce qu'ils ont écouté? Ouais, c'est important de savoir. Voilà, vous avez raison. On aura le tour de la télé avec Miko. Spécial, j'apprends en regardant la télé-réalité. Absolument. On va apprendre beaucoup de choses. Bien sûr, parce que. C'est ça qui est important. On peut apprendre déjà. La rentrée pour bientôt. Si vous êtes faible en français, la télé-réalité est là pour vous aider. Ah oui, ça fait 20 ans qu'ils sont en rentrée. Tiens, il faut que je vous présente toute l'équipe, je ne l'ai pas encore fait. Hey! Excuse-moi, si vous avez une contestation sur ma musique, ringarde. J'aime beaucoup. Elle est magnifique. De toute façon, j'en ai pas de. Son plus grand rêve est de réaliser toute une émission sans faire un pain technique. Mais bon, les miracles n'existent pas. En tout cas, Dieu devait être en RTT parce qu'il n'est pas intervenu depuis lundi. Notre réalisateur Bichette. Bravo. Bonsoir. Bonsoir Michel, c'est très bien. Son plus grand rêve à lui est de vivre dans une maison construite en pépito, avec du Coca-Cola qui coule des robinets. Il a le régime diététique le pire du monde. Tous les médecins ont prévu qu'il pouvait mourir entre maintenant et dans 6 ans. Pourtant, c'est pas lui le plus gros de l'équipe. Vous pouvez m'applaudir, Mico. J'ai parlé de toi, Stouff. Son plus grand rêve à elle est de passer toute une émission sans avoir à hurler sur moi. Mais bon, là aussi, les miracles n'existent toujours pas. La maîtresse dominatrice romantique de toute l'équipe, Stouff. Bravo. Tu sais que je t'aime en plus. T'es toute jolie. Oui. T'es toute jolie. Je te l'ai dit tout à l'heure, t'es toute jolie. N'appuie pas trop le regard. Ouais, 95. 90. Oh non, il y a les impôts qui arrivent. Ça, je te regarde plus. Je te regarde plus, c'est fini. Son plus grand rêve à lui est que son micro soit remplacé par une glace à l'italienne géante, peu importe le goût, il s'en fout. Ou une broche à kebab, ou un donut géant, ou un plat de choucroute garni. C'est Jeff. Allez, voilà, mon Jeff. Et les réseaux sociaux avec mon Bordas, ça va ? Salut, ça va. T'as vu, je fais plus sobre avec toi. C'est plus court. On gagne du temps. Encore la possibilité de vous offrir le concert très privé d'Ariana Grande avec un seul hashtag. Ariana Grande avec Koé sur Énergie. C'est celui-là ? Pas du tout. Si, c'est celui-là. Celui-là ? Ouais. Oui. Ah, c'est bien ça. Voici Big Flo et Oli sur Énergie. On est là ! Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes... Engueulade avec ma mère, à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses, ne pense plus à rien, rien. T'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De toute façon je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses, ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Et à 18h, ça fera du bruit avec l'émission en public. Je vous l'ai dit, la semaine prochaine, ne ratez pas notre invité. Ce sera mardi, ce sera que Black qui sera là. Cette chorégraphie que tu es en train de faire, je te jure, tu me la fais pas mardi. Non, voilà. Je la tiens bien. Ou alors je te la fais, je te fais un gif et la France entière se fout de ta gueule. Hein? On fait un petit gif. Ah oui, un boomerang. Jeff qui danse du que black, parce qu'en plus quand il agite les bras tout bouge. Ah tout. Tu sais, tout, c'est, bah, je fais travailler tout mon corps. Ouais, je sais pas s'il travaille ou s'il est en repos, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Il y aura peut-être 10 000 euros à gagner tout à l'heure. Jouez avec nous au cache-cache. Pourquoi cache-cache? Parce que nous avons caché une enveloppe de cash. Oh, ça c'est intelligent. Finalement trouvé. Quelqu'un de l'équipe a une enveloppe. Vous trouvez la bonne personne de l'équipe, vous la désignez, vous gagnez le montant de l'enveloppe et peut-être 10 000 euros. On y va pour les champions du monde? Ah oui. Allez. J'en ai deux aujourd'hui. Champion du monde de l'actu, comme ça vous pourrez en parler entre vous, ça vous fera du bien. Toujours c'est dit. Oui, c'est. Bah, ils m'ont mis trompette. On a d'autres trompettes? Non, là, elle est bien celle-là. Oui, enfin, ce sera bien d'en trouver d'autres quand même. Ça s'est passé à Nantes. C'était il y a quelques jours, il y a un couple qui a été interdit de rentrer dans le stade pour un match de foot parce qu'ils étaient complètement bourrés. Alors maintenant on fait attention dans les stades. Vous avez vu avant on faisait un peu n'importe quoi. Maintenant il faut un petit peu attention. Donc du coup les deux ils sont pas rentrés à la maison. Ils se sont mis entre deux bus de CRS et ils ont fait l'amour. Ah ouais. Oh, on va se manger. Ah, mais c'est ça, non, ça non plus on n'a pas le droit. Mais que peut-on faire en France? On peut rien faire. Voilà, j'ai leur numéro de téléphone si vous voulez les appeler. C'est 86 et 1664 derrière. Et vous les aurez directement en ligne. Attention, c'est pas le bon, c'est celui-là. Le champion du monde, champion du monde, champion du monde. À Los Angeles, la police a arrêté deux hommes qui géraient un camion de glace sur le bord de la plage. Ok. Ils les ont arrêtés. Je pose la question. Pourquoi? Vendeur de glace. Problème de boule peut-être. Je vais dire, ouais, c'était trop petite. Non. Alors, c'est leur idée. Non, les glaces. Non, les glaces. Oui, j'ai bien compris. Mais oui. Non, il y avait pas de. Non, voilà. Quel esprit. D'où t'as vu la police qui fait qu'ils sont pas calibrés vos boules de glace? Exactement. Et c'est trop petit, c'est un délit. Venez, allez, on arrête, on ferme. C'est important, le calibrage. Non, tu peux faire la taille des boules que tu veux. Ils vendaient de la glace fondue. Ce qui serait stupide. Bah, c'est une escroquerie surtout. De l'eau. Un mille chèques. Voilà, mais non, c'est pas ça. Bordas. Ils vendaient autre chose que des glaces. Oui, on se rapproche. Ils vendaient des churros sans avoir le droit de vendre sans des sucre. Churros. On parle de glace. Il faut une autorisation pour vendre des churros. Bien sûr, c'est un port de churros. Bien sûr, c'est comme le port d'armes. Si t'as un churros de façon illégale sur toi, ça peut être. Si en plus il n'y a pas de sucre, c'est terrible. Je suis habilité. Des churros, c'est quand même la pire invention du monde. C'est quand même un bout de pâte. Ouais. Oh, j'adore. On a l'impression que c'est la machine qui fait popo dans de l'huile. Non, quand ça tombe, ça manque d'élégance. Ça ressort, mais c'est 8000 calories. Et bah, tu sais quoi? C'est super bon. Tu le manges. C'est bon. Ouais, c'est super. Et quand t'en as mangé un, bah t'en reprends. Ah, ça c'est sûr, tu finis tout le truc. Moi je le fais prendre par mes enfants. Je culpabilise moi. Je donne. Écoutez à papa. Comme c'est eux qui l'ont, j'ai l'impression que c'est pas moi qui grossis. C'est pas vraiment à moi, c'est à eux. Et pour les glaces alors? Alors, la réponse? Mais je sais pas, les goûts étaient pas bons. Mais non, c'est qu'en fait ils vendaient de la drogue. Tout simplement. Les mecs vendaient de la drogue, c'était un camion de glace, mais quand t'avais le mot de passe, etc., ils pouvaient te vendre de la drogue. Mais en glace? Aux enfants, ils vendaient. Non, aux enfants, ils vendaient de la glace, et sinon, si t'avais le mot de passe. Ah, ok. Voilà. Bonjour, je voudrais un 3 boules vanille chocolat chichon. C'était le mot de passe. Okay, il y avait ça et le fameux banana spliff. Ça, c'est le truc de la maison. Et là, hop, ça passait sur le côté. Bienvenue sur Énergie, merci d'être avec nous. Serait-ce SIA? C'est LSD, SIA, oui, labyrinthe et diplo. Exactement. Allez, bienvenue sur Énergie. So just when the world's saying they got no hope, here comes the love. We got audio. I'm flying high, superhero. S on my chest with my Marilyn Monroe. Feel like a star, 'cause we got audio. Énergie. Bienvenue sur Énergie. Tout à l'heure, on aura Gigi D'Agostino. Non, c'est ça, Gigi D'Agostino. Oui. Ce morceau, je ne m'en lasse pas. Peut-être que dans 6 mois, j'en aurai assez marre. Mais là, pour l'instant, extraordinaire. Je trouve que c'est une tuerie. On aura le cache-cache avec 10 000 euros à gagner. Là, la partie télévision de Miko qui va vous enrichir le vocabulaire. Puisqu'il y aura une partie télé-réalité. Ou pas. Hein. Avec que des mots nouveaux. On est en TT France avec le hashtag Ariana Grande avec Koé sur Énergie. Jouez avec nous. Tout à l'heure, vous découvrez, vous reconnaissez le titre d'Ariana Grande. Vous êtes sélectionné pour aller la voir en concert très privé. Là, je vous parle d'Ariana Grande. Mais les choses vont mal pour M. Pokora. M. Pokora, il s'est fait piquer des trucs chez lui. Cambriolé, il était à Los Angeles. Il part faire un tour. Ouais. Il est en France. La maison de Los Angeles, il rentre dedans. Il lui pique 100 000 euros de bijoux. De bijoux, de montres, etc. Mais ça, c'est les rappeurs. M. Pokora, c'est un copain. Mais ça, c'est les mecs qui réussissent, c'est les nouveaux. Ils mettent des bijoux, des montres. Il y a de l'or qui pendouille. Ouais. Michel Drucker, tu vas pas lui piquer ses pantoufles et son monte-escalier Stana et qui reste au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que tu veux piquer à Michel? Reste avec nous, on est de retour sur Énergie dans deux minutes. À tout de suite. Vous êtes invité à la Énergie Live Session de Kenji. C'est Kenji sur Énergie. Pour la sortie de mon nouvel album, j'ai décidé de faire un truc de dingue. J'invite 150 auditeurs d'Énergie pour embarquer sur une péniche sur la scène et on se fait un petit concert tranquille. Pour gagner vos invitations, écoutez Énergie et gagnez vos places toute la journée. La Énergie Live Session de Kenji. Le 31 août. Un événement Énergie. Hit Music Only. Avec Auchan, imaginez la rentrée qui vous plaît. À tous les retardataires, c'est le moment ou jamais de foncer chez Auchan pour faire les courses de la rentrée. Jusqu'à mardi en magasin et sur Auchan.fr, il y a jusqu'à 50% de remise créditée sur votre compte Wahoo sur toute une sélection de fournitures scolaires grâce à votre carte Auchan. Des sacs, des stylos, des cahiers, il y a tout pour préparer la rentrée. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour faire de bonnes affaires avec Auchan. Avec Auchan, vivez la rentrée qui vous plaît. Offre valable sur les articles signalés en magasin, voire conditions en magasin et sur Auchan.fr. Une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Vous avez vu ? Depuis que vous vous êtes offert la très chic et ultra personnalisable Peugeot 108 avec toit découvrable et navigation sur écran tactile, vous avez beaucoup d'amis qui vous proposent une après-midi shopping au volant de votre 108. En ce moment, la Peugeot 108 est à partir de 7 990 euros. Offre non cumulable sous condition de reprise de votre véhicule, prime à la conversion de l'état déduit, détails sur offre.peugeot.fr. Chez Tati, la rentrée, c'est stylé. Chez Tati, t'as tout. Chez Tati, t'as tout. Un bas, un t-shirt, un sweat à 10 euros seulement. Trop classe, la rentrée des classes. Offre valable jusqu'au 9 septembre 2018, voire condition en magasin. Chez Tati, t'as tout. Un cahier 180 pages, petit format grand carreau, un manuel d'anglais, un double décimètre en plastique. À votre fils et sa très longue liste de fournitures scolaires, ne dites pas. On va jamais s'en sortir. Ton année scolaire est fichue avant même d'avoir commencé. Mais dites plutôt. Ne t'inquiète pas, c'est Cultura qui va s'en occuper. La rentrée, ça va bien se passer. Dans les magasins Cultura et sur cultura.com, retrouvez un large choix de fournitures à prix bas, tous les manuels scolaires et des services dédiés comme la préparation de votre liste scolaire. Cultura ? L'esprit jubile. Ah, voilà les colocs. Alors, vous avez pris une assurance logement ? Ouais, c'est Léa qui a géré ça. Ah non, je pensais que c'était toi. D'accord. Alors, mon agent mutuel de Poitiers fait une offre jeune tout compris. Allez le voir. Bon, Léa, tu vois ça ? C'est bon, là. Eh ben, ça promet. À la mutuelle de Poitiers, on sait que les jeunes ont besoin de facilité. En ce moment, l'offre jeune moins de 29 ans, logement, santé et accident de la vie est à partir de 25,50€ par mois, voire condition en agence. Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît et ça change tout. Bonjour, je suis Eric Gilbert, franchisé Bureau Vallée à Chaland. Couvrir les livres, quelle corvée ! Pour vous simplifier la rentrée, votre magasin Bureau Vallée s'en charge pour vous. En plus, nos couvertures sont 100% recyclables. Un gain de temps pour vous et un geste pour la planète. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Offre valable toute l'année selon équipement en magasin. Petit flocon d'avoine cherche le fruit qui donnera la banane à son muesli. Justement chez Grand Frais, les bananes sont à seulement 79 centimes le kilo. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 1er septembre, catégorie 1, calibre P20, origine Antilles française, Costa Rica, Équateur, Côte d'Ivoire ou Colombie. Ceci n'est pas le bruit strident des klaxons dans les embouteillages du dernier samedi d'août. Ceci n'est pas non plus le bruit du sac de course qui se déchire alors que vous êtes au milieu de votre rue. Ça, c'est le bruit que fait un colis Amazon lorsque vos achats arrivent directement chez vous. En ce moment, ce sont les ventes flash de la rentrée. Pour l'école ou la maison, tout ce qu'il vous faut est sur Amazon. Amazon, faites la paix avec la rentrée. Cette offre est valable jusqu'au 5 septembre sur une sélection d'articles de rentrée. Les conditions sont sur Amazon.fr. Intersport. Bon, Paul, je nous ai acheté des nouvelles chaussures de running. Après les excès des vacances, il est temps de reprendre le sport. Quels excès ? Les siestes, les barbecues, les glaces, t'appelles ça comment, toi ? Bah, les vacances ! Allez, debout, viens courir. Vous allez adorer la rentrée sportive chez Intersport. En ce moment, les chaussures de running Nike Zoom Span 2, homme ou femme, sont à 59,99€ au lieu de 99,99€, soit 40% de réduction. Oui, moins 40%. Intersport, le sport commence ici. Voir conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Be honest, right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort, if you really go first, if you really left. I don't know if I would be alive today, with or without you like night and day, we didn't repeat every conversation, being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray, don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. I don't wanna call and you not answer, never see your face light up my phone, never see you singing Tiny Dancer, every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today, with or without you like night and day, everything about you uncomplicated, here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying, don't you ever leave me, don't you ever go, I've seen it on TV. Enfermés dans un studio. Oui. Ça sent le grand n'importe quoi. Oh, le et le poney aussi. Oui. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Tous les soirs, prenez l'habitude, nous sommes de retour sur Énergie. Je suis très content d'être avec vous, je suis très content que vous soyez là. Merci pour tous vos messages tous les jours. Mon Insta, c'est Coé officiel, Twitter, Coé officiel. Et c'est sur Twitter que vous allez pouvoir gagner vos invites pour Ariana Grande. On a déjà eu une gagnante hier, oui. Dans ouais. La difficulté. C'est la dernière seconde de l'émission. Une sélectionnée. Vous avez raison, une presque gagnante. Oui. J'en prends une deuxième tout à l'heure. Demain, le choc des titans, la finale, combat dans la boue. Donc, demain, ce sera combat de fans. Ça va être mignon comme tout. Et une personne gagnera deux places pour aller tout frais payé à Londres. Parce que ça aussi, j'ai vu passer beaucoup de messages. Est-ce qu'il faudra payer à Londres? Combien ça va coûter? Rien. Rien. Vous avez le transport, là, le concert, vous avez tout, oh. Vous ne paierez rien du tout. Et éventuellement, une boîte de Pépito, si ça vous fait plaisir. Encore. Ça, on prend pas en charge, Pépito. On prend tout. Pas tout prendre. Donc, en tout cas, vous allez sur Twitter, hashtag Ariana Grande avec Coé sur Énergie. On est en TT France dans ouais. Les. Bravo, les amis. Ça me bravo. Fait plaisir. Oh, je suis très content. Dans un instant, il y a peut-être 10 000 euros à gagner. Et le dossier de ce soir, tout ce qui vous a saoulé cet été. Fabien, comment ça va, mon Fabien? Salut Koé, salut toute l'équipe, ça va salut, bien. Salut. Alors demain, attention, demain c'est mon pire rendez-vous Tinder ou mon pire rendez-vous site de rencontre. Hein. Oui, oui, parce qu'il y en a plusieurs, okay. Oui. C'est tout réuni. Hein. Voilà, si c'est un adopte un chauve, si c'est. Voilà, faites ce que vous voulez. Hein. Mais je veux dire, c'est pas que. Je veux avoir demain vos pires. Voilà. Expérience. Le pire rendez-vous. Mais en tout cas, Fabien, là ce soir, ouais. C'est ce qui vous a saoulé cet été. Vas-y, dis-moi un truc, on en reparlera tout à l'heure après 18h en public. Quelque chose qui t'a saoulé. Ouais, mais clairement, c'est trouver une place pour aller à la plage. Il a raison. Ah, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai. Mais il a raison. C'est l'enfer. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, et tu seras d'accord avec moi, Fabien, ouais. Pourquoi les gens décident d'aller à la plage de 11h du matin à 18h. Oui. À la même heure. C'est tellement plus calme à 21h. Mais l'eau est plus fraîche. Tu vois, j'étais là en voiture la dernière fois au Touquet, je faisais des tours de parking, tu ne trouves pas. Ah là, c'est impossible. Tu ne trouves. Ou alors si, il y a les gens qui ont des enfants en bas âge, vous l'avez vu ça ou pas? Non. Les gens qui ont des enfants en bas âge, ils y vont à 17h. Bah ouais. Mmh. Ah. Et là, parce que c'est trop chaud avant. C'est trop chaud. Et donc, tu vois la tête du gars qui pousse la poussette sur la plage, qui lui avait envie d'aller bronzer avant. Sur le sable. Tu sens qu'il en peut plus, il s'est fait chier à la maison, il arrive à 17h, il fait eh voilà, il n'y a même plus de soleil. Voilà. Super. Là, sa femme lui a dit si chérie, si la poussette elle passe sur le sable, le mec il est en tanasse parce qu'évidemment que ça passe pas. C'est horrible. Les gars ils font le Paris-Dakar avec des roues d'un mètre. Bien sûr, une poussette avec des petites roues, ça va passer dans le sable. Évidemment. T'as raison, j'en peux plus non plus. On reste avec nous, on en reparlera tout à l'heure, mon Fabien. Je te fais un bisou. Reste là. Qu'est-ce qu'on écoute? Vianney, Maître Gims, on aura Alvaro Soler tout à l'heure, Gigi D'Agostino et les 10 000 euros peut-être dans la poche, en tout cas sûr, dans la poche de l'un d'entre nous. Vous trouvez le bon, vous gagnez les 10 000. Vous trouvez pas le bon, vous gagnerez des sous. Combien, je sais pas. Inscrivez-vous. 7, 12, 10, 12. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey. Range les gens qu'au fond jamais jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Vous êtes prêts à gagner 10 000 euros? Oui. C'est pas vous. Parce que nous on gagnait pas. Mais c'est pas à vous la question. C'est ma question. Je n'ai pas ma musique. Où est ma musique? Mais si, tu as tout. Non, il y a marqué ambiance coco. Je ne l'ai pas dedans. Ah ouais? Et en bas il y a quoi? Et en bas il y a écrit. Ouais. Vas-y. Ouais. Ouais. Si. En bas à gauche. L'avant-dernier. Ouais. Ouais. Ça. Vas-y. Tout à fait. Monsieur mauvaise foi. Vous envoyez vos SMS toute la journée, tous les jours, la nuit. Vous n'arrivez pas à dormir, vous envoyez Coé au 7-10-12. Coé au 7-10-12 pour gagner peut-être 10 000 euros. Vous choisissez la bonne personne dans cette équipe. Il y a une enveloppe dans nos poches, nous ne savons pas ce qu'il y a dedans. Vous choisissez la bonne personne et vous gagnez peut-être l'enveloppe à 10 000 euros ou d'autres enveloppes. Nous allons... Ça y est, ça sonne. Ah là là. Allô ? Oui ? Olivia ? Oui. Bonjour, je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Comment ça va, Olivia ? Mon Dieu, ça va trop bien. Mon Dieu, ça s'arrête d'un coup. Appelle-moi Seb, c'est ça passera. Bon, attention, Olivia, tu fais quoi dans la vie ? Je suis prof de Zumba. Prof de Zumba ? J'adore. J'ai vu un reportage la dernière fois. Bon, on n'a pas le temps, mais j'ai vu un reportage sur la Zumba. Il paraît que vous achetez des fringues et vous les découpez. On n'a pas le temps. Non, mais c'est vrai, j'ai vu ça. Ils achètent des fringues, genre 90 euros le polo, et ils donnent des coups de ciseaux dedans. Parce qu'ils font Zumba. Je me trompe ou pas ? Oui, on les customise après. Voilà, parce que il se trouve que je fais de la zumba le week-end. Bon, attention. Maintenant, le principe est simple. Je vais te demander de choisir dans les gens de l'équipe. Il y a moi. Il y a Jeff qui rit comme un idiot. Il y a Stouff. Il y a Bichette, le réalisateur. Il y a Bordas qui fait les réseaux sociaux. Il y a Miko. Nous avons tous une enveloppe. Une personne parmi nous a l'enveloppe à 10 000. Choisis bien. Choisis juste. Ton banquier est en pression. On est tous en pression. Est-ce que je peux choisir une personne qui a déjà été citée les jours précédents ? Oui, je croyais que tu allais me dire, est-ce que je peux citer une personne virée d'énergie ? Non, là, non. Bah non. Non, non, là, non, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle soit présente. Je choisis Guéguette ! Non, vas-y, qui tu veux ? Je choisis Coé. Il va falloir que vous arrêtiez ça. Hein, parce que... Si, parce que c'est toi qui es riche, t'as l'argent. Vous m'avez mis la pression hier. Je l'adore depuis des années, je suis trop contente de l'avoir au téléphone. T'es un amour. Ah, suspense. T'enveloppe. Joue. On dirait les Césars. Oui, bah. C'est un peu ça. Et le gagnant est ? C'est pas les 10 000. Ah. Mais ? Olivia ? Oui. C'est pas les 10 000, mais plus. Ça va te faire plaisir. C'est 1000 euros cash, ma chérie. Bravo ! 1000 euros qui vont arriver chez toi dans quelques jours grâce à Énergie. Donc là, ils arrivent dans quelques jours. Merci. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort, ma belle. Continue la Zumba. Gros bisous à toi. Gros bisous. À bientôt. Et vous aussi, si vous êtes chez vous à la maison, vous voulez jouer, vous voulez vous inscrire demain 17h30, même combat, SMS, Coé, vous envoyez au 7-10-12. Vous laissez votre numéro de téléphone et peut-être 10 000 euros, ça me fait plaisir. Va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Que no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, si travesito mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí ya no. sur Énergie. À 18h25 en live dans l'émission Public en bas, dans un instant, la villa des animateurs. Compenser toutes les stars de notre retour. Eh oui, il faut le savoir. Et justement, la télévision, vous ne la regardez pas, il la regarde pour vous. Miko, qui avait-il hier à la télé? Alors, on commence avec un petit fou rire de rentrée dans l'émission La Quotidienne sur France 5. C'est mignon, c'est licorne, ça fait du bien. C'est licorne? Oui, c'est licorne. C'est licorne, c'est caca arc-en-ciel? Oui, absolument. C'est bien, là. En fait, sous ces masques, c'est tapissé de petits. C'est tapissé. C'est tapissé. D'accord. En un seul mot, bien sûr. Oh, bien sûr, en un seul mot. Pardon, Gérard. Un coup de téléphone. Pas du tapissé. De notre spécialiste LED. Pas du tout. Allez. Okay. France 5, c'est tellement foufou. Ils en rigolent encore. Ah, je pense qu'ils viennent 10 minutes de notre émission et repartent en tremblant. Ah, ils sont pas bien. Télé-réalité. Bah, j'ai zappé sur Les Anges d'Énergie 12, évidemment. Et Léana, une candidate, découvre la femelle du cochon. Ah, la femelle du cochon, qui est donc. La truie. Bah oui. Mais le et le mâle. Vous savez comment c'est? Le mâle. Ah, je le verra. Ah, le verra, c'est ça, oui. Verra. Et la truie. Et non pas. En train de les étrangler, c'est horrible le bruit. Genre en plus, il y a pas longtemps, j'ai vu un film d'horreur et il y avait des truites dedans. Enfin, des cochons et des truites. Non, pas des truites. Non, les truites, c'est un poisson. C'est autre chose. Ouais, je sais, en plus, ça se ressemble pas. Du tout. Et non, ma chérie, la femelle de. Du cochon n'est pas une truite. Non. Ah, culture, quand il nous tient. Alors, on reste, on est haut, là, on continue. Ah oui, bah, on va rester dans l'exploration de la langue française avec les candidats de la villa, la bataille des couples sur TFX, en train de faire une dictée. Et attention. Oh là. Ah, l'attention. Et voir leur couple sortir indemne de cette aventure. Allez, stop, on arrête. 7. C-E-T. D'accord, je pense. Sept. Non, mais sept. C'est pas comme ça, sept. De sept, comme ça. Putain, je viens en train de tout gâcher. De sept, aventure, non. Oh, non. C'est pas sept, c'est pas un C-E-D-T-E. C'est sept. Non, mais c'est pas possible. Non, voilà. En même temps, je vais les défendre parce qu'on est quand même dans un niveau CE1. Donc. C'est pas évident. Il y avait un piège, Ah, bah, comme le dit le dicton, si t'es mauvais en dictée, tu finiras dans l'île des vérités. Bienvenue sur Énergie, merci d'être là. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Do it! C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. Ah pardon, excusez-moi, j'étais pas prêt. Oui, j'étais en train de baguenauder dans mon esprit. Ça va, j'ai le droit de baguenauder moi aussi. La villa des animateurs, que pensent toutes les stars de la télé? Je rappelle le principe, vous ne le saviez peut-être pas, je suis en train de tuer un mythe. Toutes les stars de la télé vivent dans un deux pièces à Gennevilliers. Voilà, c'est comme ça, ils sont cool. Ouais, c'est voilà, ils vont bien sûr. Hein. Bah bien sûr, t'as Arthur qui fait des bolinos, t'as Patrick Sébastien qui défait le lit, c'est comme ça. Ils sont tous entre eux, ils sont tous dans le même appartement. Voilà, et vous pouvez les appeler ou pas pour voir bien ce sûr. Ouais, on a leur numéro. C'est Jeff, t'as le numéro toi Jeff? Mais je les appelle tous les soirs, moi. Bah oui, si. Ouais, pourquoi faire des nouvelles? C'est des potes. Allô? Non, attends, j'ai peur de la réponse quand même. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'émission? Ah oui, l'émission, ouais, non. Ça va être bien. Allô? Ça sonne là ou pas? Ça sonne pas. Ça sonne... Non? Non, mais ils sont occupés, ils ont beaucoup de travail. Ah bah si. Ah bah si, Laurent Ruquier. Ah, tu la reconnais direct? Ouais, le cri, ouais. J'ai écouté hier. J'ai pas trouvé ça terrible du tout. Mais pourquoi vous rigolez alors? Je rigole pas, c'est ma fille qui me tape sur les coucougnettes avec un marteau. Avec un marteau. Allez, ma fille, encore un coup. Ah, le chéri. Allô? Allô? Comment ça, mes petites beautés? Et hier, c'était tout simplement la darka du siècle, votre émission. Le mec a mis une couche culotte tellement il se pissait dessus. Putain, c'était ouf, les chéris. Et vos nouvelles chroniques, je les griffouille, les chéris. Griffouille? Ouais, ah, ça veut dire je les kiffe, quoi. Ouais, mon frérot, ton émission, je la griffouille. Moi aussi, je me kiffe de ouf. Donc, je me griffouille de ouf, tu vois. Oh, je me griffouille. Les Big Mac, bah, je les griffouille aussi. Bogdan aussi. Mon maman, je griffouille. Enfin, pas trop, parce que sinon, je m'en prends une, tu vois. Après, j'ai la gueule en brac. Je griffouille tout le monde. Sauf Jean-Mi. Hey, Jean-Bibi, à cause de son lifting, j'ai peur que ça pète, les gars. Allô? Allô? Ça va, les loups, c'est Nikos à l'appareil. Bonjour, Nikos. Je voulais vous écouter hier, mais je me suis endormi. Je me lève tôt maintenant, les loups, je fais le matin sur Europe 1. Ah ouais? Ah, et du coup, c'était comment ce matin pour vous sur Europe? Je sais pas, je dormais. Non. Je me suis réveillé à 10h, mais bon, j'ai pris des vitamines, alors pas de soucis, je vais pouvoir vous écouter ce soir, parce que je peux vous dire que... Fais dodo. C'est génial, tout soit, tu dors. Allô? Allô? Ouais, salut, c'est Patrick Sébastien, ça va, toi? Bonjour, Patrick. C'est génial. Hey, j'ai écouté hier, les gars, j'adore. Alors? Et j'adore, c'est que de l'amour, l'émission, j'ai adoré le jeu du cache-cache. C'est génial, tu caches les enveloppes dans la poche, tu gagnes 1000 balles, 10 000 balles, c'est ça? Oui, exactement. Ah putain, c'est pas rien. Moi, si vous voulez, moi j'ai des trous dans les poches. Tu vois, à chaque fois que moi je mets la main dedans, je trouve 2 balles. Alors oui, parce que c'est juste en dessous de ma... Non, c'est bon, on a compris, merci. C'est le Bifor sur Énergie. Enfant des villes, ou enfant des foins, on se fait tous une île. Pour aller bien, à l'horizon, pas de boulot. C'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque, un peu de joie, pour porter le sac, quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête. Tout oublié, tu vois. On ira faire la fête. On ira faire les rois. Pour se vider la tête. Pour oublier. Pour oublier. Pour oublier. Pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue. Comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, pour oublier. Se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête.

sport sur Énergie. Toute l'équipe est là, il y a mon Jeff qui est là. Ça va Jeff? Ça va très tout bien. À l'heure, nous reviendrons sur tout ce qui vous a saoulé cet été. 0870 42 48. On attaque l'émission en public dans 5 minutes en direct de notre studio en bas. Il y a déjà un monde fou, c'est blindé. Ouais. Ouais. Je les entends d'ici. Donc on fait la connexion plutôt. Bon voilà, donc ils s'en fout. Il y a l'émission est réalisée par Bichette, il y a Bordas qui nous fait les réseaux sociaux et qui est un garçon heureux puisque nous sommes dans TT France numéro 1. Numéro 1, avec le hashtag Ariana Grande avec Koé sur Énergie. Miko, ça va? Ça va super. Ma petite stouffe? Impeccable. Magnifique. Très belle aujourd'hui. Et je ne te regarde pas sinon regard appuyé. Voilà, mais vraiment. Boum, 90. Bah non, non, arrêtez, en plus, non. Voilà. Oui, c'est pas bien. Comment ça là? Ah, il y a les impôts bientôt. C'est vrai. Non, sortie de vacances et tout. Oh non, c'est bon. Britney Spears était en concert hier. Oui. Et elle remet le couvert ce soir. Donc, alors, je sais que tous les fans de Britney Spears vont pas forcément voir une prestation d'une chanteuse. C'est un peu comme quand on va voir Renaud. On va pas voir un talent vocal. Non. Il y a du texte quand même. Il y a du texte chez toi aussi dans le salon. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est le même texte sur scène. Oh, on a un peu plus changé. C'est pas les grandes voix. C'est pas Renaud, mince. Toujours debout, toujours vivant, on se demande comment. Et donc. T'es moche. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tu vas pas voir Britney Spears pour la prestation scénique. Un peu quand même. Non, je pense que tu vas la voir parce que c'est un monument, parce qu'elle a peut-être bercé ta jeunesse, parce que ces 15 dernières années. Ouais, mais. Mais quand tu regardes ces clips, je suis désolé, il y a toujours des chorégraphies, elle danse, il y a un show. Mais c'était avant. Ah oui, c'était avant. Et alors, la chanson, elle s'est pas embêtée. On est d'accord, on est en playback. Complet. Ok. Vous savez que j'ai envoyé un petit message avant de vous faire écouter ce que donne Britney Spears, micro ouvert, pour vous préparer. Ce soir, il y a Pitbull qui fait sa première partie. Ouais. Et j'ai envoyé un petit SMS à Pitbull tout à l'heure. Tu connais Pitbull? Oui. Tu lui as demandé ce qu'il pensait de Britney? Non. Oh non, ça va pas. T'aurais pu. Non. Je lui ai dit, hey, you are in Paris, my friend. Ça veut dire quoi? Et là, t'es à Paris, mon ami. Et là, il m'a répondu, only for few hours doing a show, then off to the next city. Tu sais ce que ça veut dire? Alors le début oui, mais j'ai pas la fin. Then off to the next city. Alors je vais envoyer un smiley, comme ça je prends pas de risque. Ça passe partout. Et je lui ai dit, est-ce que je peux t'envoyer tout à l'heure? Je pense que je peux t'appeler tout à l'heure dans l'émission. Oui. Il m'a dit, send me a message, I will try to make it happen. Text me around 6 o'clock and I will let me know down. Et après je comprends plus. Bon, en gros, j'essaierai d'appeler Pitbull dans quelques minutes après 18h. Oh, okay. Pour lui faire un petit bisou du studio. Il est 6 o'clock là. Là il est 6 o'clock, bah I mean late. Vous êtes prêts pour Britney Spears? On est prêts. Allez, quand micro ouvert. On s'en fait un autre? Oui. Non, c'est pas vrai. Mais non. Un autre? Elle danse en même temps, les gars. Ça s'entend. Souffler. On dirait moi après 3 marches. Moi quand j'arrive en haut du studio d'énergie, il y a 6 étages, j'arrive, je fais. Tu fais ta Britney. Mais non. Non, arrête. Non, c'est pas vrai. Mais non. Mais non, c'est pas vrai. Vous êtes pas d'accord avec moi? C'est les contes de la crypte, c'est pas possible. C'est Britney Spears. Vous êtes pas d'accord avec moi? Non. Bah, pas trop, non. Enfin. On critique pas Britney, ok? Non, on touche pas Britney. Ok, ok. Sinon, je vais pleurer en anglais. Leave Britney alone! Please! Allez, bienvenue sur Énergie. Laissez-nous 3 minutes, il est 18h. Et on descendra dans notre studio public. Voici 3 cafés gourmands. L'addition, un frident. C'est sur Énergie. A tout de suite. Comment puis-je oublier ce coin de paradis? Ce petit bout de terre où vit encore mon père. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes. On se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux, et des vaches en photo. C'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y'aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnoll, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Plus sur les monnaies d'hier, c'est pire qu'un testament. Au-delà d'une convidence, on est les petits enfants de ce joli coin. Du public tous les soirs, ça nous fait très plaisir. On a deux, vous avez vu, à chaque fois on change, on descend des étages, on est dans notre petit studio, bim, on arrive ici, on voit de la lumière, il y a un peu plus de monde ici quand même. Ah, c'est bien, ça me fait très plaisir, vraiment ça me fait très plaisir de vous voir, et je le sens, je la sens bien cette année. Mais tu dis souvent ça. Mais depuis lundi, je vous le dis, je la sens bien. C'est vrai, je sens que ça va cartonner. J'espère. Ou alors, ça veut dire que je vais vite ranger mon bureau et ça va cartonner. Je vais tout mettre dans les cartons. En cartonné. Je vois du carton. Je vais dire un truc. Quoi qu'il se passe, ça va cartonner. Ça va cartonner. Demain, on fera un dossier spécial. Donc, je vous le dis, un dossier spécial sur les réseaux sociaux. Pas les réseaux sociaux. Réseaux de rencontres. Les sites de rencontres. En gros, mon pire rendez-vous de réseau de rencontres. Alors là, vous pourrez tout mettre. Je veux des témoignages de jeunes femmes qui sont arrivées. Bon, bah, le type ne ressemblait pas du tout à la photo. Je te montre Jeff, mais j'aurais pu montrer quelqu'un d'autre. Ah, c'est vrai, pourquoi tu montres Jeff, le pauvre? Parce que ma femme dit ça. Je vous montre. Je veux également donc des hommes qui vont nous expliquer qu'ils avaient liké une demoiselle et que quand ils sont arrivés, ils avaient l'impression que c'était leur mère. Oui. Vous voyez, voilà, tout ça, je veux qu'on ait des vrais témoignages parce que je pense que des fois, il y a des grosses surprises quand même. Je pense souvent. Ouais. Comment on fait dans ces cas-là? On en parlera demain, mais comment on fait? Est-ce que on est honnête? Ou est-ce que. Est-ce qu'on est honnête ou est-ce qu'on le dit? Il y a des trucs à faire, je pense. Non, mais vraiment. Est-ce qu'on boit le verre ou est-ce qu'on s'en va? Ah ouais. Non, mais les filles, vous êtes une fille, vous êtes là, stouf. Tu donnes rendez-vous à quelqu'un. Oui. Et il t'a plu parce qu'il est beau. Voilà, il te plaît. Et il arrive. Du tout comme sur la photo. Et il est le double de la photo. Eh ben, je suis honnête. Ah oui? Bah, oui, imagine le gars, il a plein de cheveux sur la photo, il arrive, il est chaud. On peut devenir chauve en une nuit, c'est le souci. Ça arrive, oui, bien sûr. Mais c'est assez rare. Tu dis quoi, franchement? Non, je discute avec quand même. Ah bah oui, maintenant que t'es là. Oui, en plus, ce stouf. Ça sent pas la vérité. Tant qu'il y a à boire et que c'est servi, je dis attendez, on va. Pas de souci. Laissez-moi finir mon verre. Mais à la fin, je m'en vais. Voilà. T'as-tu le dirais, Jeff? Moi, franchement, honnêtement, la demoiselle ne ressemble pas du tout. Mais moi, j'aurais fait un truc avant. C'est-à-dire que genre, je lui dis, on a rendez-vous à telle heure, soit habillée en rouge, et quand j'arrive au loin, je la regarde, et si elle me fait pas, je m'adore. Ah, il fait un repérage avant, ah, oui. Tu passes devant, genre. Non, moi, j'y vais pas. J'y vais pas. Après, non. Tu la bloques sur le téléphone, et voilà quoi. Oh, mais c'est salaud. Non, c'est une bonne technique. Salaud. C'est une bonne technique. Ben oui. Ah ouais. Ouais. Miku, tu dirais quoi? La demoiselle ressemble pas du tout à la photo. Je suis faible. Je suis obligé de boire le verre avec elle et me dire c'est important. Oui. Que ça passe. Il faut que ça passe. Il faut que ça passe jusqu'au bout et puis au revoir. Oui, on se revoit, bien avec plaisir. Mais il est très sympa. T'imagines la demoiselle? On mange quelque chose? Une cacahuète. Oh, j'ai plus faim. Ah, plus faim. J'ai plus faim. Je rentre. Je suis un faible. Ce sera le dossier de demain. Allez sur notre Facebook Koé officiel. Allez sur tous les réseaux. Allez sur notre par notre mail koé@energie.com. Laissez-nous vos messages. Laissez-nous vos témoignages. On vous rappellera demain. Aujourd'hui, c'est un dossier. Ce qui vous a saoulé cet été? Tout peut passer, hein. C'est ce qui vous a saoulé dans l'actu, ce qui vous a saoulé en musique, ce qui vous a saoulé à côté de chez vous, votre copain vous a saoulé, vous nous le dites, tout ce qui vous a saoulé cet été, vous pouvez y aller. Et on aura pas mal de choses dans l'émission. Est-ce qu'on refera quoi? Est-ce qu'on refera... La pub dans les magasins? Oui, la promo, ça j'aime bien. J'aime bien, on refera ça. On aura le devine qui c'est aussi. Ça c'est tout. Alors le devine qui c'est, nous avons décidé de le remettre parce que c'était quelque chose que l'on faisait avant ici à Énergie qui marche pas. Tu n'as pas connu? Non, je n'ai pas connu. Le principe est simple. Je vois dans le public qui font ah oui, je connais. Le principe est simple, on appelle une personne, je vais être très honnête avec vous, relativement âgée, en sonorité du prénom. Hein. D'accord. Ouais. Si d'accord. Je prends de la Lucette, il y a peu de chances qu'elle soit mannequin. Vous voyez, ça veut dire. Donc on appelle la dame et on lui dit simplement devine qui c'est. D'accord. Et à 90% de chance qu'elle pense que c'est quelqu'un de sa famille, un voisin, et voilà. Moi, j'ai hâte d'entendre. Et après, on enchaîne la conversation. Ah, c'est bon. D'accord. Restez avec nous. Tiens, aujourd'hui, dans le public, il y a qui? Je suis dans le public et on va voir s'il y a quelqu'un qui a un talent. Et vous appelez comment? Et le prénom. Allez, vous n'allez pas me recommencer les micros tous les jours, les gars. Hé hey, Bobo, le sketch du micro. Ça va aller? Le prénom? Ah bon, on y arrive. Ah, on y arrive. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il monte doucement, il monte doucement. C'est lui qui a une petite voix. Mounir, quel est ton talent? Tu sais faire quoi? Je sais dire bonjour. Mais tu sais parler. D'abord, bonjour, tu as raison, mon ami. Bonjour, bienvenue. Ça a été le trajet pour venir jusqu'ici? Oui. T'as été bien accueilli par tout le monde? Oui. C'est très bien. Oui. Je t'écoute, qu'est-ce que tu sais faire? Je sais imiter. Imiter qui? Tu sais imiter qui? Le vent. Waouh! L'arc-en-ciel! Ne te laisse pas perturber par ces gens. Regarde-moi, moi. La mouette! Moi, je suis quelqu'un de bienveillant, tu n'as rien à craindre. Les autres ne les regardent pas. La voiture, la porte. Tu me regardes là? Oui. Regard appuyé, 95 euros. Bim. Direct dans ma poche. J'ai bien vu que tu m'as regardé. J'encaisse. Mais ça marche pas dans ce sens-là. Ça marche pas? Mais non! Bah, regard appuyé, c'est unisexe, monsieur. Non, c'est que pour les femmes. Qu'est-ce que tu sais imiter? Ça dépend, je sais imiter Sarko. Allez, on y va. Bonjour à tous. On va te laisser te chauffer. Bienvenue sur Énergie. Merci d'être avec nous. C'est un peu la même voix. Qu'est-ce qu'on écoute, Michel? Ariana Grande. Continuez, on est numéro 1 TT France et je vous invite à voir Ariana Grande en concert très privé à Londres. Merci d'être avec nous tous les soirs. Nouveau réflexe. 17h, 20h, je m'appelle Koé. Je suis de retour sur Énergie. So we turn it up. We turning up, yeah, we turning it up. Ain't got no tears in my body, I ran out, but boy, I like it, I like it, I like it. Don't matter how, what, when, who tries it, we out here vibing, we vibing, we vibing. Even when it's raining down, can't stop, so shut your mouth. We turn it up, yeah, we turn it up. They point out the colors in you, I see them too. And boy, I like them, I like them, I like them. We way too fly to partake in all this hate. We out here vibing, we vibing, we vibing. Even when it's raining down, dancing, so we turning up. Yeah, we turning it up. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. En public. Tout à l'heure, je vous envoie présélection, dernière présélection pour aller voir Ariana Grande en concert à Londres, dans un concert très très privé. Tout à l'heure, nous aurons un nouveau jeu que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Ami Ennemi. Le principe est simple, vous prenez deux personnes qui n'ont rien à voir dans l'ami, qui n'ont pas les mêmes goûts, qui devront s'aider pour gagner un énorme cadeau. Ah, ah là, on est ennemis, mais on doit devenir amis. Et c'est une PS4 ce soir. Ce soir, PS4. Oh. Donc le principe est simple, je cherche d'un côté des fans de Caris, de l'autre des fans de Booba. Ah, génial. Et ce soir, les fans de Caris devront s'entraider entre les fans de Caris et Booba. Ça marchera jamais. Sinon, rendez-vous au Duty Free d'Orly dans 2 heures. Il y a des promotions sur le cours aussi. Voilà, devant chez Sephora. Donc allez-y, 0800 70 42 48. Appelez-nous, ça va être un grand moment. Oui, je pense aussi. Non, mais voilà, parce que je pense que allons au-delà de nos différences. Merci à toi. Et bon pacte. On aura dans un instant, je continuerai de faire notre pub dans les magasins. Aujourd'hui, ce ne sera pas les grands magasins, ce sera les magasins de sport. Ah, oula. Voilà. Toi, de la pub dans un magasin de sport, toi. Moi qui ai du mal à marcher avec ma béquille, qu'est-ce que je galère. Je me suis fait un claquage au mollet. En faisant quoi? En sautant dans l'eau. Ridicule. En sautant dans l'eau. Non, en faisant un patathlon. Heureusement qu'il y a des ascenseurs ici. Ridicule. Et donc je prends l'ascenseur pour quitter le 6e étage pour venir jusqu'ici. Et voilà, Pâques, à 18h, il est encombré de tous les gens qui sortent des bureaux. C'est normal. C'est normal, ouais. Mais non, c'est pas normal, j'ai une émission, moi je devrais avoir un ascenseur prioritaire. C'est vrai. Tu sais ce qu'il leur a dit? Bah, vous pouvez pas prendre l'escalier, non? Mais non, t'as pas dit ça. Et la dame, elle a dit, bah bonjour quand même, d'abord. Non. Enfin, quand t'es au deuxième, tu peux prendre l'escalier mais quand même. Toi aussi, tu veux prendre l'escalier? Non, il a une béquille. Docteur House, il prend l'escalier. Tu l'as déjà vu prendre l'escalier, Docteur House? Non. Docteur House, il prend l'ascenseur et personne lui dit t'as qu'à prendre l'escalier. Voilà. C'est vrai. Restez là, nous aurons tout à l'heure tout ce qui vous a saoulé cet été. Fabien, j'ai le temps de le prendre une seconde. Une seconde. Allez Fabien, qu'est-ce qui t'a saoulé cet été, mon Merci ami. Fabien. Ce qui m'a saoulé, ouais, clairement déjà, bon, c'est les places de parking quand tu vas à la plage. C'est lui. Et ensuite, une fois que t'es sur la plage, bah, que t'as tous les gamins qui courent partout autour de toi, qui te mettent du sable sur la serviette, ça, qui jouent au ballon, aux raquettes. Les cris. C'est. Qu'est-ce qui est pire, les cris ou le sable? Les deux. Les deux vont ensemble. C'est vrai. Non, ils ont raison. Pourquoi les gens qui ont des enfants les envoient jouer au ballon à côté de toi? C'est vrai. Alors qu'ils pourraient les envoyer. Il y a les grands de la plage, quand même. Ouais. C'est à côté. Les gens, ils disent toujours va jouer plus loin. Mais plus loin, il y a toi. T'as envie de dire au petit va jouer vers l'autre plus loin. Le plus loin là-bas. De l'autre côté. Il devrait y avoir des plages enfants. Il y a des plages nudistes. Il peut y avoir des plages enfants. Oui, mais pas à côté. Faut juste pas qu'elles soient mélangées. Mais. Restez avec nous. 0870 42 48. Vous nous appelez. Dites si vous a saoulé cet été. C'est le thème de ce soir. Gagnez la somme folle de 50 000 euros. Avec la playlist suprême. Sur Énergie. La playlist suprême, c'est Jane. Diva Phone. Alvaro Soler. Eddie De Preto. Mais moi, je joue avec les filles. David Guetta. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois, dans cet ordre précis, dans les jours qui viennent. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme incroyable de 50 000 euros. La playlist suprême. C'est une exclusivité Énergie. On en parle. Il y a des sujets auxquels on n'aime pas penser, mais qu'il est important d'aborder. Le cambriolage de sa maison, par exemple. Surtout quand on pense avoir fait le nécessaire. On en parle aujourd'hui avec le Crédit Agricole. Écoutons d'abord le témoignage de Guillaume. On voulait partir tranquille en vacances, alors j'avais acheté une caméra de surveillance reliée à mon téléphone. Ça nous rassurait. Jusqu'au jour où j'ai vu des cambrioleurs chez nous et que je me suis rendu compte que je pouvais rien y faire. Alors Anne, vous êtes conseillère au Crédit Agricole. Est-ce qu'une protection par télésurveillance aurait été plus efficace? Eh bien oui, parce qu'avec la télésurveillance du Crédit Agricole, des opérateurs réagissent en temps réel et interpellent les voleurs. Mmh. Et pour ceux comme Guillaume qui aiment tout piloter depuis leur smartphone, c'est possible avec notre appli. Elle permet d'activer son alarme à distance et d'accéder à d'autres services connectés. Très bien, merci Anne.

On est en public, 18h-20h. C'est la partie publique. Merci d'être avec nous et de plus en plus nombreux, je pense, depuis 3 jours. On est sur Énergie. Je suis très content d'être de retour avec vous. Sachez que la semaine prochaine, il n'y aura que Black qui sera notre invité. On a pas mal d'autres stars qui vont venir nous voir. Tout à l'heure, le jeu Ami-Ennemi. Le principe est simple. Vous êtes ennemi dans la vie ou par goût. Vous allez vous retrouver pour gagner un énorme cadeau. Tout à l'heure, je veux un fan de Booba. Caris et un fan de Booba. Et vous devrez vous aider et vous entraider. Et peut-être vous faire des bisous. Si, vous... si ça se passe bien. Si ça se passe bien et si vous gagnez des énormes cadeaux. C'est bon tout ça, non? Ouais. Le temps de faire la pub dans les magasins, on est toujours numéro 1 TT France. Toujours. Le hashtag Monsieur Bordas qui gère les réseaux sociaux. Ariana Grande avec Coé sur Énergie. Voilà, c'est très bien. Je rappelle que dans quelques minutes, je vais vous faire écouter une chanson d'Ariana Grande. Vous m'envoyez avec ce hashtag sur Twitter le titre. Et après, soyez prêts parce qu'à tout moment, je peux vous sélectionner. Je vous aide, c'est vers la fin de l'émission. Je vous sélectionne, donc vous restez jusqu'au bout. Je vous suis. Je vais en partie privée. Vous me laissez votre numéro de téléphone. Je vous appelle et vous êtes sélectionné pour la grande finale de demain pour aller voir Ariana Grande. C'est la première fois de ma vie que je donne une règle sans me tromper. Bravo, c'est vrai, c'est bravo, bravo, bravo, bravo. Drake Bordas, ceux qui viennent de nous découvrir sur Énergie, c'est celui qui gère les réseaux sociaux. Vrai. Vous êtes 10 millions à me suivre, merci beaucoup les amis. Et ce garçon, il est fin et il est futé. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé pendant la pub. Non. Pendant la pub, je vais au petit coin, ce qui est normal. Voilà. Normal. Et dans un endroit où il n'y a que des petits coins. Vous voyez, oui, c'est... d'accord. Et j'arrive et je croise Bordas qui me dit cette phrase intelligente. Il me dit « Ah, toi aussi, tu vas aux toilettes ?» Ben non. Je suis venu voir la déco, je voulais m'en acheter. Je savais pas à quoi j'adore ça ressemblait. Il paraît que quand t'appuies sur le bouton, il y a de l'eau qui coule. Le décor a changé, c'était possible que tu regardes un peu pendant la pub. C'est quoi, le décor a changé. Bah oui, il y a eu des travaux qui ont été faits. Ça n'a pas changé depuis 30 ans. Ouais, c'est vrai. Ils ont changé la moquette. Ah bah magnifique. Bah, je suis parti faire un repérage moquette. C'est pas ce qu'ils ont fait pendant un an dans cette maison, mais la moquette était très très bien avant. Hier, nous avons appelé un Carrefour. Leclerc. Et la demoiselle a fait notre pub de retour dans tout le magasin, c'était magique. Chers clients, écoutez Coé tous les soirs de 17h à 20h sur Énergie. C'était bien, tout le magasin a entendu à la même casée un petit message personnel. Si je devais tromper mon mari, ce serait avec Coé. C'est le centre Leclerc d'Attin, je leur fais un gros bisou. Attends, doucement. Alors, ça passe ou pas? Attends, deux secondes. Bon, j'appelle un magasin où je ne vais jamais, magasin de sport. J'appelle... à un Intersport, on va à Poitiers. Ils ont des micros dans les magasins Intersport? Pareil. Oui, d'accord. Alors qu'en théorie, ils devraient courir pour le dire. Mais oui, c'est ça. Alors, ils bougent plus, ils sont au micro. Ils vendent des baskets, mais ils les utilisent pas. Bravo les gars. Intersport Chasse, Marie-Louise, bonjour. Bonjour, c'est Coé. On est sur Énergie. Comment allez-vous? Bien, merci. C'est quoi votre petit prénom? Luce. Ça va, Luce? Très bien. Bon, Luce, je vous explique, j'ai besoin de vous. Oui. Je viens de revenir sur Énergie depuis lundi, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous avez un micro à côté de vous? Non, pas de mon côté. Bah quoi, il n'y a pas de micro pour parler dans le magasin? Si, mais il n'est pas de mon côté à moi. Ah, et vous ne pouvez pas faire 20 cm pour aller de l'autre côté? C'est un côté comment? C'est un côté qui est très loin ou c'est de l'autre côté à côté? Non, mais c'est que là, on a un petit peu de monde, donc... Alors moi aussi, j'ai un petit peu de monde. Alors justement. Il se trouve... Écoutez, moi aussi, j'ai du monde. Voilà, moi ils sont en train de faire la hola. Je suis pas sûr qu'ils fassent la hola à votre caisse. Moi ils font la hola. Moi aussi, on a tous du monde. C'est plus calme chez vous. Luce, on est collègues de monde. Faites-les crier chez vous. Allez les clients. On est que deux, ça va pas faire beaucoup de bruit. Ah bah voilà, j'ai plus de monde, j'ai gagné. Alors, il est loin le micro ou pas? Un petit peu. Mais bon, non, c'est mais faux. Un petit peu, c'est quoi? C'est un petit peu quoi? Alors attendez, je suis en train d'encaisser quelqu'un. Allez-y. T'es sûr qu'on est chez Intersport? Oui. Non, ils ont la pêche, mon gars. C'est trop loin, là. C'est la récup. Bon, voilà. Fatigué. Il faudrait juste dire, écoutez Coé tous les soirs sur Énergie de 17h à 20h. Je pense pas que mon directeur accepte que je fasse ce genre de pub. Ah, c'est nous, directeur. Excusez-moi, c'est de la part d'un sportif. Alors, sachant que j'ai acheté chez vous le mois dernier... Qu'est-ce que t'as pu acheter là-bas? Les barres chocolat. Les barres protéinées. Parce que j'avais un petit creux. Ça mériterait un petit message. C'est vrai? Non? Ah, nous, on a cité Intersport, nous. Ouais, on était sympa. Non? Une fois. Plus. Deux fois. Oui. Une fois, deux fois, c'est non? Non, c'est non. Oh là là. C'est pas sympa. Alors, allez chez Decathlon! Non, en fait. Au revoir, Luce. À bientôt. Au revoir. Bisous. On va essayer. Et là, le patron va descendre et dire: mais pourquoi? Allez, j'en fais un autre. Boum. Ouais, c'est qui là? Ouais, je fais les mêmes là, Intersport. On va faire plus vite. Hein. vais aller droit au but. Oui, ça serait bien. Intersport Arc Olivia, bonjour. Bonjour Olivia, je m'appelle Chloé, on est sur Énergie, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Magnifique, boum, dynamique, hop, on y va. Je vous appelle parce que je viens d'arriver sur Énergie depuis lundi avec toute l'équipe, on est en public. Votre prénom c'est? Olivia. Olivia, tout le monde va dire bonsoir Olivia. 3, 4. Olivia! Magnifique, vous êtes au taquet. Olivia? Olivia? Oui, excusez-moi, je vous entendais pas très bien. Arrête de jouer avec le téléphone, merci. Olivia, est-ce que vous avez un micro à côté de vous? J'ai besoin de vous pour faire ma pub à tout le magasin. Oui, j'ai un micro à côté de moi. Magnifique. Olivia, magnifique. Papier, stylo. Papier, stylo. Vous notez? Attendez, attendez, je prends un stylo et un papier. C'est bon, c'est fait. Attention. Écoutez Coé tous les soirs. Alors, écoutez Coé tous les soirs. De 17h à 20h sur Énergie. 17h-20h sur Énergie. Virgule. Virgule. Et si vous écoutez les grosses têtes, passez sur Énergie. Et si vous écoutez les grosses têtes, passez sur Énergie. Voilà. Voilà. Alors, j'attends ça, ça va être magique. Alors là, là, si tu me fais ça, je te fais des applaudissements. Si vous écoutez les grosses têtes, la fin, c'est quoi? Passez chez Coé sur Énergie, tu vois. D'accord. Attention, attention, je vais écouter là. Chez Coé. Sur Énergie. Oui, c'est long, hein. C'est long, hein. Sur Énergie. Voilà, c'est bon. Attention, j'ai noté. Attention. À vous. Vous m'écoutez? Oui, oui. Bah, oui. D'accord. Alors, écoutez Coé tous les soirs de 17h à 20h sur Énergie. Et si vous écoutez les grandes têtes, passez chez Coé. Je vais le mettre au sport. Elle l'a dit. Bravo. Gros bisous mademoiselle. Trois fois qu'elle me dit son prénom et Olivia. Olivia, je te fais un gros bisou. Il est où le Intersport? Il est où? Alors il est situé à Arc. À Arc, dans le nord. Très bien. Je te fais un gros bisou et tu embrasses tout le monde pour moi dans le magasin, les clients, les gens qui passent, tout le monde, d'accord? Alors attendez, je vais leur dire. Coé vous fait de gros bisous. Continue. Voilà, elle prend goût au micro et voilà. Ma voiture est mal garée devant l'établissement. Je t'embrasse Olivia, à bientôt. Merci. Gros bisous. Bravo. Au revoir. À bientôt, elle est adorable. Attention, ça peut vous arriver n'importe quand. Vous avez un magasin, vous avez un micro, c'est diffusé dans le magasin. Je peux vous appeler à tout moment. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. You spent the late nights making things right between us. Now it's all good, babe. Roll out that wood, babe. And let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like. On the last flight to you, I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Well, that would, babe. And let me know. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Merci beaucoup. ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you meet my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white Porsches and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Cause girls like you, girls like you, guys like me, so now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, girls like you, me, do what I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Bienvenue sur Énergie. Merci, le dossier de ce soir, c'est un dossier, tout ce qui vous a saoulé cet été, 0870 42 48. Merci, j'ai eu peur. Vous savez qu'il y a la playlist Suprême Énergie qui peut passer à tout moment sur Énergie. Oui. Je vous le dis parce que là, c'est magnifique. Vous pouvez gagner 50 000 euros. Waouh. 50 000 euros pour une seule personne. Dès que vous entendez dans l'ordre, sans aucune coupure, sans rien, peut-être un petit jingle de ci, de là. Si vous entendez Jane, Diva Fon et Léa Passy, Alvaro Soler, Eddie De Preto et David Guetta, ouais, vous faites le 39-37. Le premier qui est chopé gagnera 50 000 euros, wow, cash. Stylé. C'est bon, non? On peut jouer, nous? Ouais. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas jouer. Il n'est pas dit, il suffit que je mette une moustache et. Tu caches les yeux. Voilà, il suffit que je me cache les yeux et qui sait, c'est coucou, mais je me cache les yeux. C'est sans anonyme. Écoutez, c'est pas très clair encore. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, je savais que Pitbull donc, va faire la première partie de Britney Spears. Oui, c'est vrai. J'ai envoyé un SMS tout à l'heure, je lui ai dit que j'essaierai de lui passer un petit coup de fil. On fera ça entre amis. Bah oui. Ouais. C'est qu'on n'a pas les chansons de Pitbull, qu'est-ce qu'il avait fait? Il en a fait des tonnes. Ah, celle avec Kesha, elle était bien. Oui. Chante. Hotel Room Service, elle aussi. Je sais plus. Ah, Tinder. Tinder. Tinder. Je reconnais pas. Oui, il a plus de talent que ça, quand même. Hotel Room Service. I got a here. I got a hotel. Ouais, si, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Oui, oui. Oui, Corentin, on y va. Attention, chanson, on y va. Corentin, du standard. I know you want me. Ah oui. I know ah, I want you. Je reconnais, voilà. Voilà. Ça, c'est bien. Là, je te reconnais bien. Les autres, zéro. Voilà. Ouais, oh. Bon, vous emballez pas. J'essaierai de lui passer un coup de fil tout à l'heure. Faut pas que tu tardes, hein, parce qu'il monte. Oui, il va monter bientôt. Il t'avait dit à 6h. Eh ben, il est là, à 18h30. Bah, il faudrait pas tarder. Il connaît Coco, il sait qu'il est en retard. On fait un bisou, puisque voici le jeu Ami Ennemi. Ah. Rappelez-moi le principe, Madame Stouff, du jeu. On prend deux personnes qui n'ont pas les mêmes goûts. Donc là, en l'occurrence, à fan de Booba, à fan de Caris. Quoi? Non, mais ça va être pourquoi tu rigoles? Non, mais je vais rigoler. Ah, et alors, ils doivent céder. Ils doivent céder. Il y a quoi à gagner? Une PS4 Pro. Mais pour les deux. Et il y en aura deux PS4 Pro. Ça veut dire qu'en fait, ils cèdent. Vous avez compris l'histoire. Voilà. Abder, il a 26 ans, il habite Paris. Comment ça va, mon ami? Salut Coé, salut tout le monde, comment allez-vous? Magnifique, salut, ça Abder, va bien, ça me fait plaisir de te retrouver. Comment était l'été? Ah super, et toi? Ouais, c'était très très bien. Je t'en pose des questions. J'ai un mollet en vrac, je ressemble à rien, mais sinon ça va très bien. Non, ça allait très bien. Et je suis surtout très content de vous retrouver. Toi, tu es fan de qui? De Caris. Alors pourquoi? Ah. Pourquoi plus Caris? Bah parce que moi je préfère son rap par rapport à Booba. Et même sur ses paroles, ils sont bien cruels et. Bien cruel. J'aime le rap cruel. Voilà, c'est. Vous savez, moi, il y a Dadju qui dit je veux que tu portes mon nom, et mais moi, j'aime le rap cruel. Psychopathe. Le gars est fou. J'aime le rap cruel. C'est énorme. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Je te présente Armand, 25 ans, Marseille, qui lui est de l'autre côté de la barrière. Puisqu'il, j'ai envie de dire, dans l'autre cellule. Cellule d'à côté. Il est fan de Booba. Comment ça va, Armand? Ça va. Ça va mon pote. Pourquoi fan de Booba? Qu'est-ce que tu préfères chez lui? Parce que la cruauté de ses propos. C'est un ancien. Non, même pas, c'est un ancien. Et puis, c'est. Quand t'as vu Caris, il est né, faut oublier. Hein. C'est vrai. Caris, il sort pas de nulle part. Ah. Abder, quelque chose à répondre? Bon, on va pas s'entendre, toi et moi, mec. Bah, il faudrait, là. Alors là, il va falloir. Alors, c'est puisque le but du jeu. Le concept, les amis, vous allez devoir vous aider et vous allez devoir me donner une réponse commune. Je ne validerai que la réponse commune. Et si vous êtes bon, vous me donnez 3 bonnes réponses sur 4. Vous gagnez tous les deux une PS4 Pro. D'accord. Ok, ça va. Ok, c'est bon. Tout à fait. Ok. Première question. Lequel des deux a 3 disques de platine? Parlez-vous entre vous, parlez-vous entre vous, parlez-vous, parlez-vous. Regarde, Booba, il est trois disques platine, je peux le dire, c'est disque platine. Ok, Karis, depuis qu'il a commencé, il a fait ses disques de platine. Depuis 2013, non, il a commencé, il a déjà fait trois disques de platine. Je peux te sortir ces trois disques de platine si tu veux. Alors, il y a Or Noir, il y a Okunia Touri et il y a Dozo. Bon, bon, bah là, pour les gens, vous voulez me donner des noms de médicaments, là, pour ceux qui connaissent pas, mais c'est ça. Là, j'ai donné trois noms d'albums. Alors, je vais vérifier. Non, et moi, je suis sûr de moi. Abder, Armand, j'ai besoin d'une réponse. Booba ou Karis? Faut vous mettre d'accord, les gars. Lequel des deux a trois disques de platine en tout, pas disque d'or, disque de platine, oui. Booba ou Karis, les gars, faut trouver. Booba. Moi aussi, c'est Karis. Je vais vous emmener dans une parfumerie. Karis, d'accord. La bonne réponse est. Karis, c'est une bonne réponse. Bravo. Bravo. Voilà, bien joué, bien joué. Booba, Booba, il en a 7. Ah ouais. Voilà. Deuxième question. Un petit, c'est pour ça. Qui a le dessus au niveau cinéma? Ah. Karis. Sûr. Ils sont d'accord avec les deux. Les deux, on dit Karis. Il a tourné deux films, là, je pense. Ouais, Karis, deux films. Braqueur et l'autre film, je sais pas, c'est lequel. Mais je sais qu'il va sortir, là. Il est là, tu l'as déjà sorti, je pense. Oui, c'est Karis, sûr. Les deux, vous êtes d'accord? Karis, ouais, sûr. Karis, sûr. La bonne réponse est... Karis. Oui. Bravo. Fast Life, Braqueur et Overdrive. Ah, voilà. Troisième question. Lequel a le plus de vues sur un titre? Lequel qui a le plus de vues sur un titre? Un titre. Vous me prenez un des titres des deux, celui qui a le plus de vues sur. En tout. Pour moi, c'est. Karis, je vais vous dire le son, c'est lequel? C'est. Attendez. Plus de vues sur un titre. Moi, je réfléchis. Plus de vues sur un titre. Il est en train de chercher. Il est en train de chercher. Dis donc. Non. Mais je connais, il y a un son qui l'a super bien marché, c'était celui de l'année dernière. Ouais. C'est pas Jarabi, c'est un autre, c'est. Comment il s'appelle? Mettez-vous d'accord, je veux pas d'explication. Booba ou Karis? Karis, pour moi, Karis. Ouais, c'est que Karis. Karis, c'est pas une question, c'est Booba. Booba ou Karis? Je vais répéter, s'il te plaît, la question. Lequel a le plus de vues sur un titre, Booba ou Karis? Booba. Vous me dites Booba? Ouais, Booba. Bon, vas-y, valide Booba. Allez. La réponse est. Karis. Aïe! 96 millions. Bagola, c'est peut-être une super. Voilà, et Booba 60 millions. Dernière question. Qui soulève le plus au développé couché, Booba ou Karis? J'aurais pu dire lequel balance le plus de parfum, mais sachez pas les chiffres. Lequel soulève le plus développé couché? Pour moi, c'est Karis. Le fan de Karis. À chaque fois, il dit pour moi, c'est Karis. Pas pour moi, c'est Karis. Vous êtes d'accord, les deux? La bonne réponse est, on joue pour une PS4 Pro chacun. Amis et ennemis, ils se sont réconciliés. Ils se parfumeront mutuellement dans 3 minutes. Rendez-vous au Duty Free d'Orly. Ils feront un soin ensemble. Un soin. Celui qui soulève le plus au développé couché, Booba soulève 150 kilos, ce qui est un détail. C'est déjà pas mal. Hein. Karis, 170 kilos. Bravo les gars. Armand et Abder, vous gagnez chacun votre PS4. Bravo. Bisous les amis, allez partir main dans la main, manger un petit steak tous les deux, allez faites-vous plaisir. On les a réconciliés. Ben oui, c'est ça qui est bien. Qu'est-ce qu'on écoute, Bichette? Eh ben, on écoute Jainé. Vas-y, t'as pas l'air prêt du tout, j'ai l'impression que t'es réveillé. Là. Mais j'hésite toujours sur ce nom. Ah oui, j'ai l'impression que tu t'es réveillé surtout. Eh ben, bienvenue, merci d'être là. Jusqu'à 20h, je m'appelle Coé, on est sur Énergie en public. Wine for the gear.

C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,90€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Coé, c'est pas que de la radio. Follow Coé sur Twitter. Coé officiel. Suivez Coé sur Facebook. Coé officiel. Rejoignez Coé sur Instagram. Coé officiel. Et enfin, Coé sur Snap, c'est... Je vous le dirai bien, mais j'ai pas le temps. Hein. Je suis en train de gérer mes flammes. Coé 17h, 20h. C'est Coé sur Énergie. En public. Merci d'être avec nous tout le monde, merci d'être là tous les soirs, c'est le nouveau réflexe, vous êtes avec nous sommes là tous les jours dès 17h. Chers clients, écoutez Coé tous les soirs de 17h à 20h sur Énergie. Bim, voilà, et un pack de 12 yaourts offert, un jambon gratuit, tout ça c'est cadeau. Vous y allez, qui avait regardé le film Inception, et dans un instant, dans moins d'une minute, je vous donne le titre d'Ariana Grande à découvrir. Vous allez sur Twitter, vous êtes sélectionné, et demain la finale pour aller à Londres, je vous le fais découvrir dans moins d'une minute. Inception, vous vous souvenez de ce film? Oui, absolument. Qui l'a vu dans le public, Inception avec Leonardo DiCaprio? Génial, une seule personne. J'ai pas vu. Gros succès. Vous l'avez pas vu? C'était non, un film qui était très dur à comprendre parce que c'était rêve, oui. Réalité. Rêve, réalité. Et pas que ça, il y avait le rêve dans le rêve dans le rêve. Voilà. Et il y a plein de gens qui sont sortis disant j'ai rien compris. Rien compris. Et bien là, la vérité vient d'être donnée. Michael Caine qui joue le rôle du professeur dans le film. Absolument. Retenez bien ce que je vais vous dire. Quand il a reçu le scénario, il a dit au réalisateur, je comprends pas où est le rêve, où est la réalité. Lui aussi, c'est-à-dire le mec qui reçoit, il a toujours pas compris. Et là, le réalisateur lui a dit, quand t'es dans la scène, c'est la réalité. Sinon, c'est un rêve. Je viens de vous donner la clé du film, les gars. Ouais, c'est que quand on le voit, lui, c'est la réalité. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je viens de vous niquer le film. Le spoil de ouf. Oh, j'ai spoilé. C'est pas mon habitude. Hein. Ah ouais. C'est pas mon habitude. Hein. Pas non. J'aurais pu vous dire que dans le dernier Avengers, ils meurent tous à la fin. Mais là, non. Mais c'est pas mon genre. Et dans Game of Thrones, ils se lavent pas. Voilà, c'est pas mon genre. Ah non, tu m'as spoilé Game of Thrones. Je suis désolé. Attention, vous êtes prêts? Écoutez bien, vous êtes fan de Ariana Grande. Vous rêvez d'aller faire un tour à Londres pour le concert très privé. Du 4 septembre. Ça se joue jeudi, c'est-à-dire demain. Vous êtes présélectionné seulement sur Twitter. Le hashtag Monsieur Bordas, c'est... C'est Ariana Grande avec Coé sur Énergie. Bim, c'est fini. Vous avez le titre, vous le tweetez et vous serez sélectionné peut-être tout à l'heure vers la fin de l'émission. Nous vous appellerons en live, je vous expliquerai comment faire et vous serez peut-être sélectionné demain, grande finale. Je vous le remets, mais oui. Si vous êtes fan d'Ariana Grande, vous êtes déjà le titre. Miko ? Voilà. Non. je passe mon tour. Non, bien sûr. Je laisse les auditeurs jouer. J'avais un lama qui était devant moi. J'étais sur la route. Catherine, 25 ans de Genève, le dossier de ce soir. Je rappelle celui de demain parce que celui de demain me plaît beaucoup. Celui de demain, je veux que vous me racontiez votre plus bel échec de rencontre sur les sites de rencontre. Ça te plaît beaucoup? Oui, parce que je pense que c'est le vrai truc dont personne n'est très fier. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont croisés, qui se sont matchés, et quand ils se voient, ils font « Ah, t'es pas du tout la même tête ». Voilà, je crois que c'est arrivé à surprise. Plein de gens. Mais je veux de tout. Hein. Je veux le physique qui ne ressemble pas, le gars qui n'a pas de conversation, l'odeur. Ah oui. Ah oui, il y en a peut-être des fois qui... Oui, mais il n'y a pas l'odeur sur les photos. Hein. Ah oui, ça c'est vrai, c'est pas l'odorama, non. En attendant, tout ce qui vous a énervé cet été, on fait un bisou à Catherine, 25 ans, Genève. Ça va, Catherine? Salut, Coé, ça va bien, et toi? Oui, ma petite Catherine. On est diffusé à Genève. On est en Suisse? On est diffusé en Suisse. Ouais. Monsieur Gaël, vous me confirmez? On est diffusé en Suisse. Par contre, monsieur Gaël, la Belgique. Directeur des programmes, beaucoup de gens se plaignent, on n'est pas diffusé en Belgique. Oula, il a l'air vénère là. Bah, il faut juste lancer l'appli Énergie et on est dessus. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête. C'est vrai que c'est pas bête. C'est pas con ce qu'il dit. C'est pour ça que c'est le chef. En 2018. Je crois qu'il se fout de ta gueule. Ouais. Tu devrais avoir cette référence en choisissant ce polo ce matin. En étant 2018. Visiblement pas dans les fringues. Hein. Je vais la ressentir beaucoup cette phrase. En 2018. Non mais c'est vrai, voilà, vous nous écoutez. Mais de toute façon, ceux qui nous écoutent, ils ont déjà l'appli. Voilà, c'est ça. Catherine, ma petite Catherine à Genève, qu'est-ce qui t'a saoulé cet été? Alors, eh bien, nous, on est partis. On a eu la chance de partir en Guadeloupe quand même. C'était bien. Plutôt bien, merveilleux, tout bien. Et vraiment, le truc qui nous a gavé, c'est d'avoir dans les maisons des ravets et des moustiques. Ah, des rasés? Des ravets, c'est quatre fois les cafards qu'on a chez nous, quoi. Mais là-bas, en XXL. Ah bah oui, mais si tu veux pas avoir de moustiques, faut pas aller dans les endroits... Les moustiques encore, bon, on en a chez nous, ça va et tout. Alors là, les ravets, tu sors de ton lit, tu poses le pied par terre, t'as le ravet, tu vas dans la cuisine, dans les biscuits, il y a le ravet, c'est bon quoi, c'est... À table, et voilà du ravet. Ouais, voilà. Un peu grillé, pas grillé, ouais, non, c'est franchement, c'est... Ouais. Oui, mais plus tu vas dans des endroits où il fait très chaud, plus t'as des risques d'avoir... Je sais pas, faut accepter. Quand tu pars en Guyane, faut accepter d'avoir des araignées de 1 mètre. Et les crocodiles. Non, peut-être pas dans les appartements, il y a très très peu d'un... Dans la chambre. Bon, à part ça, ça a été les vacances ? À part ça, ça a été très bien, oui, parfait. Après, l'autre petit truc qui nous a chauffé un petit peu, c'est aussi quand même la Coupe du Monde. Alors bien, j'ai suivi, encouragé la France, parfait, mais au bout d'un moment, les musiques, tout ce qui passe, la France, les reportages et tout, c'est bon, quoi. Toute une histoire. On a gagné, hein. Moi qui ne suis pas fan de football, j'étais quand même derrière tous les joueurs. T'es allé sur les champs, toi. Comment ? T'es allé sur les champs. Non, à côté, avec Nico, on était à côté. On a dit pas les champs. On a dit non, mais franchement... Moi, je suis fier qu'on ait gagné. Même si je suis pas très. On n'aime pas le foot. J'ai regardé les derniers matchs. J'étais devant la télé comme beaucoup de gens. Je dis bravo. Et c'est une fois tous les 20 ans. Mais après, voilà, c'est pas la peine de rajouter encore et encore et encore. Oui, bah tu préfères les raver. Gros bisous, ma petite Catherine. Rapidement, Clara à Brest. Qu'est-ce qui t'a saoulé cet été, Clara ? Salut Coé. Salut ma belle. Salut. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a saoulé ? Moi, ce qui m'a saoulé, c'est les films qui repassent en boucle sur les chaînes. Il a raison. Et aussi les remixes du coup de la Casa de Papel de Bella Ciao. Gaëlle. Toi tu es là. On est en 2018. Y a-t-il eu beaucoup de remixes? Je m'adresse aux spécialistes de la musique d'énergie. Je me suis arrêté de compter à 8. Après je les écoutais plus. Mais je crois qu'il y en a eu beaucoup plus que encore. Les Bella Ciao, moi je suis d'accord. Il y a eu celui avec Maître Gims. Il y a eu quoi d'autre? Je crois qu'il y en a eu deux. Jean-Rock. Oui, c'est vrai. On a du chanson. C'est ça. Non, mais il y en a eu beaucoup. Il y a eu Sound of Legend. Ah ouais, j'avais une tête un peu comme ça. Moi, j'ai arrêté à 8. Ça suffit. Je les écoutais plus. Ah, oui, pas, 8, c'est non, pas mal. Hein. Mais il en a eu beaucoup. Moi, j'aimais bien aussi Bella Ciao. Alors que je suis pas allé jusqu'au moment de la série, parce que c'est dans le dernier épisode de la saison 1. Et je me suis arrêté à l'épisode 7. Donc, le Bella Ciao, je l'ai même pas entendu dans la série. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Clara. Il y a une petite tête comme ça de Bella Ciao. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse. Tu habites où, Clara ? À Brest. À Brest, quel temps il fait ? Il fait beau. Il fait beau. Fais une croix dans le calendrier à Brest, hein, parce que c'est pas tard. Tous les jours. Voici Jane qui était notre invitée. La vidéo est dispo, je crois, sur quelle chaîne ? La chaîne YouTube Énergie. Allez faire un tour dessus. On a fait la vidéo de la chanson avec les fils partout hier. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be Bienvenue sur Énergie, n'oubliez pas, vous voulez aller voir Ariana Grande, la dernière présélection c'est ce soir. Est-ce que toute l'équipe va bien? Très bien. Est-ce que vous êtes en forme? Oui. Ça me fait très plaisir. Vous savez, là, les vacances sont terminées, nous sommes de retour, je suis très content d'être là. Il y aura des surprises de semaine en semaine. Je vous en prépare de belles. Oh oui, c'est que le début. Je ne peux pas tout vous dire. Dans quelques minutes, tiens, d'ailleurs, il y aura une surprise pour un auditeur ou une auditrice. Il y a eu un concours tout l'été avec Énergie, avec Youpix. Oui. Et je vous explique le principe. Hein. C'est en gros, vous faites une photo et vous avez une application et bing, ça part en carte postale. Ouais, j'ai déjà fait, c'est pas mal. Ouais. Pas mal. Pas mal. Si vous trouvez qu'une carte postale avec les fesses dans les dunes, ça ne vous plaît pas, eh ben, vous pouvez mettre vos fesses dans les dunes. Ça se vend encore les cartes postales avec les paires de fesses dans la montagne. Oui, oui, il y en a plein. Tu vois la neige, il y a toujours des gens comme ça, des photos. En plus, ça sent le photomontage à plein nez. Bientôt, ça sera interdit. C'est vrai. Ouais. Hop, on aura un regard appuyé. 90 euros. Allez, tu as regardé la carte postale, c'est pas bien. Donc, en tout cas, dans un instant, tirage au sort. Il y en a eu pas mal d'envoyés et j'offrirai un iPhone 10 à quelqu'un. Pas mal. Voici. Pas mal. Le devine qui c'est. Le retour du devine qui c'est. Alors, principe. Je vais découvrir moi. Extrêmement simple. Ça veut dire que quand tu faisais pas partie de l'équipe, tu nous écoutais pas? Absolument pas, non. Ok. Alors, je dis la vérité. J'ai dû écouter une fois. Mais il était pas, ça l'intéresse pas. Ah, non, mais non. Le principe est simple. Nous appelons une personne en France au hasard et je lui dis juste bonjour, devine qui c'est. Et là, ou elle ne trouve pas, ou la magie s'opère et on est parti pour 2h30 de conversation. D'accord. Huguette, est-ce que ça vous va, Huguette? Ah, bah oui. Oui. Allez, on fait de la Huguette. On est parti. Attention, chut. Tu peux être une femme ou un homme. Moi, je suis un homme. Non, mais... Ah oui. Allô? Allô, Huguette? Oui. Bonjour. Devine qui c'est? Qui est à l'appareil? Devine qui c'est? Je peux pas deviner. Devine. Hein? Devine. Devine? Oui. Ben, je sais pas. Oh. Allô? Oui, ben, devine. Hein? Tu me reconnais pas? Non. Oh, ben, devine. Hein? Oh, ben, dis, faut dire votre nom, parce que moi... Si je dis mon nom, Il y a tellement de gens qui appellent et puis qu'on sait pas qui c'est. Ah oui, mais si je dis mon nom, puis je dis devine qui c'est, hein? Hein? La famille? La famille? Oui. C'est Bernard? Oui, c'est Bernard! C'est toi qui as déjà appelé? Oui! Oh. Ça va? Ah, je fais une farce, hein. Tu vas rigoler? Oui. Parce que la première fois, là, parce que ça a accroché. Bah oui, j'ai fait une erreur. Bon. Oui. Et j'ai cru que c'était mon frère. Oh, bah non! Alors, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pour ça que j'hésitais pour répondre. Oui. Non, mais c'est Bernard. Je reconnaissais pas ta voix. Alors que là, oui. Oh, excuse-moi. Oh, hein. Bah, ça va. Bah oui, ça va, comme une petite vieille. Je bah, trottine. Oui. Tu trottines? Je marche bien, Marc. Hein. Ah, voilà. Oui, tu marches seul. Ça va mieux, je reprends des forces. Bien, c'est bien, ça. C'est bien. Encore un tour, quoi. Ah oui, allez, c'est reparti. C'est reparti pour Cormor 40. Ah oui, je te dérange pas? Mais pas du tout. Pas tu du parles, tout. Je suis toute seule. Ah, tu bah oui. Pas, oh, bah, on a le temps de discuter alors. Je suis bien contente de t'avoir au bout du fil. Et moi donc. Oh, ma petite Huguette. Vous allez bien tous les deux? Ah, la chanson. Un jour là. Bah, on peut pas le faire là. Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va. On est bien. Vous avez la forme olympique? Oui, oh, olympique. Ah bah ouais, vous êtes jeune. Bah oui, moi mieux qu'elle. Hein. Vous êtes encore jeune. Ah oui, bah oui. Cet été, ça a été... Mmh. Ça n'a pas été cet été? Je la refais doucement. Cet été, ça a été? Point d'interrogation. Oui. T'es pas parti? Non. Oh bah non. Où c'est que tu veux que j'aille? Bah je sais pas, au bout du jardin. Tout seul, hein? Au bout du jardin? Bah, bientôt, oui. J'irai en vacances à Lyon-sur-Mer. Ah bon? Pourquoi? Ma fille a acheté un petit 2 pièces à Lyon-sur-Mer. Oh là là, c'est magnifique. Il paraît au que bord c'est de la très mer. Moche. Hein? Il paraît que c'est très moche. Oui, mais enfin, tu sais, elle est sentimentale. Elle est née là, à Lyon-sur-Mer. Oh alors, bah. elle était toute contente. Bon, bah voilà. Bon, bah je vais te laisser alors. Hein. Bah déjà? Oh bah oui. T'as le temps? Ah oui. Bon, on va continuer alors. Qu'est-ce que tu manges ce soir?

sur Énergie. Bonjour à tous, bienvenue sur Énergie, bonsoir. Inscrivez-vous, Coé Public, énergie.com, et vous serez avec nous dans le studio, vous allez passer des bons moments, on passe des bons moments. On ne contrôle pas tout, mais on tient les choses, on les claque. Vous avez vu un peu le... Ouais. J'ai mal au crâne. J'aime beaucoup ce jeu, en tout cas. Il y a eu un concours, on le refera, le devine qui c'est. Il y a eu un concours qui est un concours, quoi, Stouf? YouPix. Le principe est simple, vous prenez des photos, bim, vous les mettez dans l'application, ça sort en carte postale, vous envoyez ça aux gens. Il y a un téléphone qui sonne? Oui. Un téléphone qui sonne? Moi aussi. C'est le tien. Et il y a? C'est le tien? Non. Non. C'est qui? C'est qui? Qui a eu son téléphone qui a sonné? On continue pas tant. D'accord, ok. Tant que ça ne s'est pas dénoncé, c'était là-bas, hein, c'était dans le fond. Hein, non? Personne se dénonce? Ok, c'est pas grave, tes têtes tomberont. Il y a eu. Ou alors c'est dans la musique qu'il y a un bête non, de non, un non, téléphone. Non, je te jure que. Non, je te promets. Ouais, attention, j'entends des voix peut-être. Attention, faites gaffe. Bon, j'ai reçu plein de cartes postales. En tout cas, pas moi, mais les animateurs d'énergie tout l'été en ont reçu. Il y en a des très jolies. Voilà, il y en a qui étaient sur les Champs-Elysées pendant la victoire de l'équipe de France. C'est joli, hein, vous prenez la photo et ça fait des cartes postales. Voilà. C'est original. Et la gagnante, hop, je l'appelle directement. Bim, il y a un iPhone 10 à gagner. Elle est en Corse. Oui, il y a marqué Corsica, vive les vacances. Bonne déduction, Colombo. Ouh, il y a marqué Corsica, mais elle n'était pas en Corse. Allô. J'ai pas le prénom. Bonjour, seriez-vous bonjour. Vanessa? Oui, c'est moi. Bonjour, je m'appelle Coé, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien, vous êtes en forme? Oui, alors encore plus apparemment. T'as passé une belle journée? Ah oui, ça va. C'était bien la Corse? Ah oui, là c'était top. T'étais où? À Bastia. À Bastia, très bien, très bien. Tu as fait que Bastia ou tu as bougé? Non, Bastia, Porto Vecchio et Calvi. Ouais, la Corse, la Corse, ouais, d'accord. C'est bien. C'est bien, tu t'es promené, c'est bien. Tu as visité l'île. On prend toujours pas la carte bleue. Est-ce que tu allais faire un tour? c'est vrai, cette petite manie. C'est vrai. Ah, on est d'accord, hein, quand tu vas en Corse, et les mecs, ils te préviennent, on prend pas la carte bleue. On va avoir du cash là-bas. Ah non, ça, voilà. Mais tu dis, je le prends où? Même le distributeur. Oui. Tu vois, distributeur de billets, il dit, on prend pas la carte bleue. Souviens-toi, un jour, on avait acheté des fringues, on avait payé au bar d'à côté. C'est vrai, il t'inquiète, on s'arrange. Eh ben, ma chérie, tu gagnes l'iPhone 10. Bravo! Je te fais un gros bisou, Vanessa, je t'embrasse. Super, merci bisous, beaucoup. Bisous, ma belle, je te t'embrasse fort. Restez avec nous, jouez avec nous. Dans un instant, on aura encore des cadeaux. On fera gagner quoi, Stouf, tout à l'heure? Un iPad. Voilà, et on prend pas la carte bleue. A tout de suite, on est de retour. 0870-42-48. Dans 45 minutes, c'est Rico pour le Rico Show. On a mangé ensemble ce midi. Et on l'avait dit hier, on l'a fait. Ouais. Voilà. Qui c'est qui a payé? C'est lui, il m'a invité. Ah oui, faut le. Bravo, merci. Oh, t'es une pince? Oui. Dès votre réveil, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Jennifer est notre invitée ce matin. Oui. Est-ce qu'avant de chanter, t'as encore le trac? J'ai toujours le trac. C'est pénible. Ouais. Et une fois que tu commences à chanter, il part? Il peut rester. J'ai avec la lèvre qui se coince et tout, les muqueuses qui se dessèchent, les vocales qui ne peuvent plus. Alors mon conseil, ne sois jamais chirurgien. Ouais. Non, je vais éviter. Je suis désolé, je l'ai broyé, mais j'avais le trac. Manu dans le 6-9. Manu-Énergie. 6h, 9h30 sur Énergie. Salut, c'est Aymeric. Comme vous, j'adore l'été, les soirées, les potes, les barbecues, les apéros en famille et Sam. Et cet été, Sam, c'est moi. Je le dis haut et fort et surtout, je le dis avant de partir en soirée. Comme ça, on ne se demande pas qui conduit au moment de rentrer. Mais cet été, je m'engage à être ce héros indispensable. Celui qui fait la fête sans alcool, reste clair et ramène ses amis sains et saufs. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné sur Facebook et sur Instagram. Soche présente. T'as vu la nouvelle offre Soche Internet à la maison? Ah ouais? Une box Soche? Une box Soche? Une box Soche? Oh là là! Te fatigue pas, ça s'appelle la boîte Soche. Ah bah oui, c'est simple. Et sans engagement. La boîte Soche, c'est Internet à la maison sans engagement et sur le réseau Internet Orange. Jusqu'au 7 septembre, à partir de 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ par mois. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait ADSL 19,99€ par mois sous réserve d'éligibilité. Frais de résiliation de 50€, conditions sur soche.fr. À la foire fouille, c'est en avant les bons plans. Du 27 août au 2 septembre, un bon d'achat de 10€ vous est offert à partir de 30€ d'achat. Et parce que nous ne faisons pas les choses à moitié, il est valable dans tout votre magasin. On en profite? Voir conditions de l'offre dans les magasins participants et sur lafoirefouille.fr. Quick, jusqu'au 24 septembre seulement, le long est à 3€ chez Quick. Et un prix aussi petit, c'est une grande nouvelle. Régalez-vous avec les trois recettes du long, aussi délicieuses que différentes. Fan de bœuf, dingue de poulet ou fou de poisson, foncez dans votre restaurant Quick le plus proche. Quick, un goût de légende. Pour votre santé, évitez de grignoter. Une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Vous avez vu?

And now, ladies and gentlemen, Cowell. Bienvenue sur Énergie. Ariana Grande, le concert très privé d'un moment à l'autre. Si jamais vous avez... Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas oublié Pitbull? Pitbull? Si, mais j'arrive pas... Alors attendez, Ariana Grande, déjà on va y aller jusqu'au bout. Vous trouvez le titre, vous tweetez hashtag Ariana Grande chez Koé sur Énergie. Avec Koé sur Énergie. Avec Koé sur Énergie, on est toujours bien placé. On est toujours numéro 1, c'est France, magnifique. Et j'ai envie de dire vive les Ariana Grande, Nator. Ariana Nator. Terminator. Eh, bravo à tous les trucs en or. Voilà. Voilà, les chocolats Côte d'Or, tout. Les dents en or. Bravo à vous en tout cas. Et on est numéro 1 TT France. Tout à l'heure, je sélectionne au hasard quelqu'un. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission si vous avez joué. Alors, vous voulez que je sois franc avec Pitbull? Oui. Oui. Alors, je vais être franc avec vous. Je lui ai envoyé un message. Ce soir, Pitbull est en première partie de Britney Spears. Donc, je voulais l'avoir vite fait au téléphone. Et on s'est envoyé des SMS. Ok. J'ai compris les premiers, mais je suis largué dans les suivants. Et c'est pour ça que tu lui réponds pas en fait. Je comprends. Mais c'est Google. Demande à Rivière, il est bilingue. The I will call in real quick before I go on stage tonight. Avec des deux. Oui, il est sur scène. To open for Britney Spears. What? Hashtag. Do I call? Let me know when you get the record. I want you to break it today for me. Thank you. Qu'est-ce que t'as rien compris là-dedans? C'est pourtant ça. Qu'est-ce qu'il a dit? En gros, fallait le prévenir un peu à l'avance et tu pouvais l'appeler. Il avait dit oui. Là maintenant? Bah, quand il t'a envoyé le SMS. En fait, il m'a envoyé un SMS pour me dire tu peux m'appeler maintenant. Oui, c'est ah oui. Ça. Moi, ça, voilà. Parce qu'il a dit. Merde, et ça fait une demi-heure qu'il me l'a envoyé. Et bah, c'est trop tard. Rapidement, il pouvait accepter. Essaye. Bon, on va essayer d'avoir plus de bulles. Il y a un malentendu. Tu es sérieux? T'as pas compris? Mais non, j'ai pas compris. Je l'appelle de mon téléphone. Attention. Il lui a envoyé le caca souriant. Ah là là, et si. Ah bah. S'il est sur scène, il décroche? Bah non. Attends, c'est Koé quand même. Allô? Non, il n'a pas décroché. Ça marche pas. Ah. Mm-mm. Ah. Ça sonne. Attention. Oh mince, j'ai raté le rendez-vous. Je suis pas fin, moi, quand même, des fois. Dans un instant, on continue le dossier, tout ce qui vous a saoulé cet été. Allô? Allô? What? What's going on, Babo? Hey, ouais. Mr. Pitbull! What's going on, Babino? Hey, how are you, my friend? I'm good. I'm about to go on stage here. We're at the arena right now, about to open up for Britney Spears. So we want to say thank you very much, merci, to Paris, to all the friends. Thank you guys for having us. And a big shout out to Britney Spears for giving us the opportunity. Voilà, as a professional! Hey, welcome in Paris, my friend. Thank you, my friend. I appreciate it. And next time you come to see me in this show. Yeah, when we have time, yeah. You know, definitely anytime I'm in Paris and we have time, you know, I come and check you out, my friend. Next time, you will lifetime. Time. Il a compris. C'est le principal. Thank you, my friend. À bientôt. See you next time. Oh, yeah. Thank you, my friend. You guys have a great, great night. And once again, merci to Paris and all the friends. Thank you guys for having me. I appreciate it. Faites du bruit pour Pitbull qui est en ligne avec nous. Bye-bye. Et voilà. T'es comme ça, t'as le numéro de Pitbull, toi. Et voilà. Tranquille. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire tout ce qu'il a dit? Maintenant, oui. Alors, traduction, Coco. Mais si, il a dit, je reviendrai la prochaine fois. Là, je fais le station stage Britney Spears. Voilà. C'est tout. C'est à peu près ça. Il a pas dit plus que ça. Il a pris du temps, mais oui. Il a pas dit plus que ça. Il a répété les mêmes choses. Une fois que t'as enlevé les wouhou, il a pas dit plus. Excusez-moi, mais bon, ce qui m'a saoulé cet été, c'est vous, déjà, pour démarrer. C'est vrai. Tu nous as pas appelé de l'été, s'il te plaît. C'est vrai. Ben oui. J'ai beaucoup appelé Jeff. J'ai appelé Miko. Oui. Pose-moi des questions. Et moi. Je te laisse faire un raccourci et un cheminement dans ta tête. L'analyse. Non, Monsieur Bordas, qui fait les réseaux sociaux. Oui. Qu'est-ce qui t'a saoulé cet été? Moi, le In My Feeling Challenge. Le truc du Drake. Le truc où il fallait ouvrir la porte et danser sur le trottoir. J'aimais bien, moi. Je déteste ça. Normal, t'as pas le permis. Mais c'est pour ça. J'ai un scooter, ça marche pas à côté. Qui le conduit pendant En vélib, en vélo, tu sais. Tu laisses le vélo. Do you love me? Qui l'a fait dans le public? Qui a essayé de le faire? Personne n'est fier. J'ai l'impression que les challenges, tout le monde le fait, mais qu'une fois que c'est passé, les gens n'osent pas reconnaître qu'ils l'ont fait. Ils ont honte. Le Ice Cube Challenge. Tout le monde s'est mis de la glace sur la gueule, mais quand tu poses la question aux gens qui l'a fait, non pas moi, non, je n'aime pas ces choses-là, non, ça n'est pas pour moi. Mais en fait, c'est pas que c'est pas bien, c'est qu'il y en a trop. Donc au bout d'un moment, ça devient même plus intéressant. Bah oui, mais c'est le but d'un challenge. S'il y en a que deux, c'est plus un challenge. C'est pas faux non plus. En même temps, oui, s'il y en a que deux, c'est un challenge pas réussi. Quoi. Benoît, 25 ans Bordeaux, qu'est-ce qui t'a saoulé cet été, Benoît? Salut Koé, salut tout le monde. Salut, salut Benoît. Salut, ça va Benoît alors, raconte-moi, qu'est-ce qui t'a souhaité ? Ça va, je suis trop content de vous retrouver, c'est trop bon. Tu vois, quand je rentre le soir du travail, c'est excellent. T'es gentil mon copain. Qu'est-ce qui t'a saoulé cet été ? Mais moi, c'est... alors, je vais être un peu insultant, mon compte voisin. Qu'est-ce qu'il a fait le voilà. Mais si tu veux, pour moi, été, ça rime barbecue. Oui. Un peu de musique de fond et rosé. Jeff, t'as de la famille à Bordeaux. Oui. Visiblement. Oui, c'est l'été, c'est normal, tu fais ça, tu fais un peu de et bruit. Donc lui, si tu veux, il vient de toquer chaque fois chez moi. Oui, vous faites trop de fumée, ça enfume mon garage. Et puis en plus, votre musique, eh bien, elle est pas bien, et c'est trop fort. Et puis vous parlez trop fort à minuit. Non, mais attends, c'est l'été, quoi. Ah oui, bah c'est... oui, mais alors après, bon, si vrai, effectivement vous parlez très fort et qu'il y a trop de musique passé minuit, ça peut être pénible. Si les jardins sont petits, ça peut être pénible. Hein. Mais si tu veux pas qu'on me parle fort, t'habites dans l'est de la France, tu viens pas dans le sud. C'est quoi ça? Ok, demain on fera un ami ennemi est contre ouest. Allez, avec plaisir. Bon, je te fais un gros bisou, mon Benoît. À bientôt. Ouais, gros bisou, ciao. Ciao, mon pote. Vous savez que ça, je dis ça sur les gens qui font du bruit, mais ce week-end, j'étais au Touquet, et il y avait des voisins qui avaient visiblement, il y avait plein, tous les enfants des voisins qui étaient là. Oh. Et ils jouaient au foot, mec, mais contre la haie. Ah oui d'accord, donc t'entends les voilà. Je vous jure, j'étais, alors je vais pas vous dire tout, mais on se dit tout. Oui, oui. Bon, presque j'étais tout dans, j'étais dans les toilettes et bon, on était pas obligés. Et fenêtre ouverte. Et là j'entendais Kylian Mbappé qui passe à l'horizon. Kylian Mbappé. Bon, ils avaient 6-7 ans. Kylian, mais contre Maé. Kylian Mbappé. Et t'as fait quoi? Mais je devenais ouf. Laisse-les jouer. Mais en plus ça le bloque, il est aux toilettes, il pouvait plus rien faire. Il y avait pas un joueur qui s'appelait Caca? Si. Je suis là que ça s'appelle Caca. Il y avait pas un joueur qui s'appelait Caca? C'est avant. Mais j'étais ouf. Vous savez ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait passer la tête par la fenêtre, j'ai dit oh, c'est Didier Deschamps, allez jouer plus loin. Énorme. Et les gamins, ils ont dit oh, d'accord. C'est drôle. Non, mais le pire, c'est quand ils ont dû rentrer à la maison. Ils ont dit, il y a des chants, ils nous ont engueulés. Maëlle, qu'est-ce qui t'a saoulé cet été? Salut, ma petite Maëlle. Salut, Koé, salut, équipe. Ça va, salut, ma belle, tu habites salut, où Maëlle. Moi, j'habite en Vendée. D'accord. Raconte-moi, quel endroit à La Roche-sur-Yon? Saint-Jean-de-Mont. Ok, j'avais une chance sur deux. Alors, Maëlle, je t'écoute. Qu'est-ce qui t'a saoulé cet été? Alors, moi, ce qui m'a saoulé cet été, c'est les pubs pâtes du poids, genre comme j'aime. Ah, ouais. Je suis d'accord avec mais laisse-la elle. Finir. Oh là là. Ah ouais. C'est vraiment le. Elle a fini. Mais il y a la nouvelle version, il y a comme j'aime pour hommes. Homme. Oui. Ouais. Avec. Ouais, donc. Ouais. Avec Benjamin Castaldi, oui. Ah ouais. D'ailleurs, toi. Oui, les photos avant-après, ça fait. Bon, en même temps, il faut bien qu'il soit plus gros avant et plus oui, maigre enfin, après. Oui, c'est un peu forcé, genre avachi sur le canapé, oui, oui, parce que sort avec là, le chien. C'est pas une photo de lui avant, c'est, il joue la scène de moi avant. Ah oui. Ah ben oui, il est sur le canapé, il se gonfle, tu vois, pour dire ouais, je suis trop gros. Oh, oui, il est pas gros en plus. Non, il est pas très gros. Non, il est pas sportif en plus. Non, c'est vrai qu'elles sont un peu pénibles ces pubs. Ouais, ils ont fait que ça, c'est passé tout le temps. Vous avez quelqu'un déjà essayé comme j'aime machin et tout? Bah non. Non. C'est vrai conservateur. C'est que nous on a une nouvelle version. C'est quoi? Avec Jeff. Il vient de dire non. Ah si. Il ment. Non, non, c'est non, presque non. Pareil. Écoutez, imaginez-le dans son canapé, c'est pareil. Salut, c'est Jeff de chez Koé. Moi, j'ai pris 30 kilos en un seul été grâce à Comme J'aime Tout. 7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 goûters, 7 dîners, 7 encas, 7 apéros. Et tout ça pour une seule journée grâce à Comme J'aime Tout. Garantie, vous prendrez partout. Bravo, mon Jeff. Bravo. Et il assume. Ça marche super bien. C'est un champion, mon Jeff. À bientôt, Maël. Restez avec nous dans un instant. Serez-vous plus fort qu'un membre de l'équipe? Vous choisissez quelqu'un de l'équipe, vous devrez l'affronter. Il y aura à gagner quoi, Stouff? Un iPad. C'est bon ça, bienvenue sur Énergie, merci d'être là. On est jusqu'à 20h. Help me, it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I need somebody now. I need somebody now. Someone to help me out. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. C'est Coé sur Énergie. Oui. Oh, excusez-moi, hein. Je me referai la pub de Jeff, comme j'aime tout, je me la referai tout à l'heure. Hein. Mais essayez, hein. Franchement, ça marche. Non, ça va aller, ça va aller. Pas besoin de dire que ça marche, t'inquiète. Ça se voit que ça marche. Il n'y a pas de souci. Serez-vous plus fort qu'un membre de l'équipe? Talin, à gagner, il y a quoi, Stouff? Un iPad. Un iPad, très bien. Quelle génération? Dernière génération, tout. Première génération. Collector. Dernière génération. Écran full. Tout bien. Full. Émilie, 28 ans à Nantes. Comment ça va, ma petite Émilie? Bonjour Coé, bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Comment étaient les vacances, Émilie? Eh ben écoute, c'était top, c'était le Portugal, c'était parfait. C'était quel endroit du Portugal? En dessous de Porto. C'est Ah, c'est Lia. Au sud. C'est au sud, c'est en dessous de Porto, c'est ça? Oui, enfin c'est au sud de la France en tout cas. Ouais, c'est ça. Il a fait beau? Il a fait très beau. D'accord, très bien. Tu vas jouer avec nous, le principe est simple. Pour gagner l'iPad, il va falloir être plus fort qu'un membre de l'équipe. Je vais prendre un membre de l'équipe. C'est toi qui vas le choisir, tu me le diras dans un instant. Dès qu'elle l'a choisi, ce membre de l'équipe sort du studio. Et nous vérifierons qu'il n'entend rien. D'accord. Et je pose une série de questions à Émilie. Ensuite, il revient. Je pose les mêmes questions. Si Émilie a mis plus de points, elle gagne son iPad. D'accord. Okay. Facile. Dis-moi qui tu choisis. Je vais choisir Jeff. Ah, j'étais sûr. Bon choix. Ah, j'étais sûr. Vas-y, Jeff. Allez, cours. Et n'en profite pas pour aller à la cafette, hein. Voilà. Non, t'as pas de monnaie. Vas-y. Et je suis désolé, il n'y a pas de jambon de Bayonne dans le distributeur. Hier, il était pas content. Il fait ouais, pas de jambon. C'est quoi ça? Ouais, je voulais de l'andouille de vie, il n'y en a pas. Émilie, le thème d'aujourd'hui. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, c'est un anniversaire spécial? Non. Anniversaire de quoi? Michael Jackson. Ah, merci. Ah, oui, voilà, oui. Je voulais que tout le monde joue, tout le monde réfléchisse. Allez, la tueuse de suspense. Comme d'habitude. Voilà. Mais Bruce Willis, il est mort dans Sixième Sens. Ils en ont parlé partout, tu peux pas passer à côté. Michael Jackson aurait 60 ans. Ah, waouh. Voici donc un spécial Michael Jackson. T'es prête? Ok, je suis prête. On y va, Émilie, c'est parti. Comment s'appelait son premier groupe avec ses frères? C'est Jackson 5. Bim, je valide. Citez-moi un des surnoms de Michael Jackson. King of the Pop. Bim, je valide. Lequel des frères de Michael Jackson a un prénom de fille? De vieille fille. De vieille fille, hein, plutôt de grand-mère. Mais... Germaine. Oui, mais oui. Germaine, il s'appelle. Germaine. Germaine. Ouais, mais il a fait une chanson top. Michael Tito Germaine. Ouais, j'arrive, ouais. Comment s'appelle le titre du clip où il danse sur un trottoir qui s'allume? Oh là là. Thriller. Génial. Non. C'était Billie Jean. Quel est le titre du dernier album original, pas du best-of, de Michael Jackson? Je sais pas. Non, c'était pas. Invincible. Invincible. Invincible. Mais non. Quel est le nom du médicament qui a causé sa perte? Le Mopral, le Versed ou le Prostamol? Prostamol? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est pour la prostate. C'est le Versed. Comment s'appelle le pas de danse qu'il a soi-disant inventé, mais en fait c'était pas de lui? de Moulwok. Voilà, très bien. Quel est le titre de la chanson qui a été élue le pire cover musical de Michael Jackson sur YouTube? In the world. Bien joué. Écoutez, écoutez ça. C'est qui ça? Massacre. Bel hommage. Voilà. C'est pas Michael. Mais non, c'est pas lui, c'est un cover. Non. Voici la dernière question. Attention, quand je vais arrêter la chanson, c'est à toi de continuer, Émilie. T'es prête? Ouais. Je vais faire facile. Je vais faire facile. Wookie. Wookie. Wookie. Allez, Wookie. On parle pas de Chewbacca. Allez. Inquiétez-moi, Wookie. Vas-y, fais-le. The Wookie. The Wookie. The Wookie. Qu'est-ce que c'est que cette imitation, Michael Jackson? Inquiétez-moi, les paroles. The Wookie. The Wookie. Est-ce que vous avez la chanson qui fait Inquiétez-moi, Wookie? Bon, ouais, je te valide vraiment. Ouais, ouais, ouais, ouais. Non, on va lui donner une deuxième chance. Tu me l'as fait avec plus de joie, hein, Emily. Hein. Attention. Emily, ça va être à toi. Donne tout. Faites. Ça va être là. Allez, you walk. Ok, the wonky. The wonky, baby. Allez, je valide, je valide. Allez, ouais. Jeff sera-t-il meilleur que toi? Faites entrer l'artiste, faites entrer la vedette, faites entrer le gladiateur, faites entrer. Voilà, ça va mon Jeff, t'es prêt? Oui, le sportif. Spécial Michael Jackson, top, c'est parti. Comment s'appelait le premier groupe avec ses frères de Michael Jackson? Jackson 5. Bim, citez-moi un des surnoms de Michael Jackson. Le Bambi. Oui, il y avait Bambi, c'est vrai. Peter Pan ou King of the Pop? Lequel des frères de Michael Jackson a un prénom de fille? Germaine. Germaine, très bien. Le petit n'a pas le droit de jouer, merci. Comment s'appelle le titre du clip où il danse sur un trottoir qui s'allume? Beat It. Non, Billie Jean, il est mauvais, il est mauvais. Quel est le titre du dernier album original de Michael Jackson? This Is It. Non, c'est Invincible, allez, on y va. Quel est le nom du médicament qui a causé sa perte? Le Mopral, le Versed ou le Prostamol? Bah, celui du milieu, le Versed. Ouais, c'est la bonne réponse, ouais. Excellent. Comment s'appelle le pas de danse qu'il croit qu'il aurait inventé Moonwalk, mais qu'il a copié? Le Moonwalk. Quel est le titre de cette chanson bien chantée? Alors? In the world. In the world, très bien, je l'ai coupé un peu pour qu'il perde, mais t'as vu, j'y arrive pas. Enfin, quand j'arrête la chanson, tu continues de chanter avec précision, Jeff, t'es prêt? Oui. On y va. Pourquoi tu le fais en asiatique? Okay, dans, okay. C'est comme ça qu'il le fait. Au Japon, tu peux cartonner, mais chez nous, c'est mauvais. J'offre à Emily, 28 ans de Nantes, l'iPad. Bisous ma petite Émilie, à bientôt, je t'embrasse fort. Merci. Bisous ma belle, porte-toi bien. Qu'est-ce qu'on écoute, Bichette? Aya Nakamura. J'adore ça. Oh, oh dja, dja, dja. Avec ta tête et le doigt. Oh, dja, dja, dja. On y va. Oh, dja, dja. Hello papi, Mickey Bazar. J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se fait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta cata, dja, dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta cata, dja, dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu es le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta cata, dja, dja. Genre, en katana.

comme tous les garçons. Tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière en tous sens des fils à terre et dopé de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Virilité abusive. Virilité abusive. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Yes, dans 4 minutes, le Rico Show. Dans moins de 2 minutes, la sélection de la gagnante qui va gagner la rencontre, peut-être pas la rencontre, le show d'Ariana Grande Londres. Ça se passera demain. Il y en a une jeune fille qui avait gagné hier, il va y en avoir une dans un instant. Je dis une jeune fille parce que à 80%, c'est une fille. On a très peu de mecs qui disent allô. Salut, je m'appelle Mike, je suis déménageur, j'adore Ariana Grande. Bah ouais, c'est mon kiff, j'ai les petites oreilles, je les mets dans mon camion. Et alors ? Mais pourquoi pas ? Et alors, pourquoi pas ? C'est possible. Ah oui ? Mais c'est assez rare. Ouais. Avant tout ça, on avait parlé hier de Fabien Loaec, vous en souvenez ? C'est un champion, non ? Mais non, c'est le mec de télé-réalité qui avait rendu hommage à Tom Diversi. Oui, il faisait partie de nos champions. Oh, c'est ça, tu as raison. Ça. C'est celui, vous savez, que Tom Diversi était donc un jeune homme de télé-réalité qui est décédé. Oui. Et c'est celui qui avait mis un message en disant « Avec ton sourire, tu vas faire des ravages au paradis » et qui derrière disait « Mon sourire est exceptionnel depuis que je me suis éclairci les dents avec machin, etc. » Eh bien, hier, il a dit « Franchement, je suis ultra déçu. Je ne pensais vraiment pas que ça pouvait se passer comme ça. Certes, j'ai été maladroit, mais je ne l'ai pas fait exprès. Ben non, la pub est partie toute seule. Évidemment, bien sûr. Je ne pensais pas que ça serait mal vu. Ah bon ? Il est con en plus. Ah mais oui. Il a pas compris son erreur. Parce que tu fais l'erreur une fois, okay. On peut pardonner, on dit non, mais il a pas fait gaffe. Ouais. Il comprend le mec pas. Mais qui fait de la pub pour tout, les chips, la taille, il fait plus gaffe. Il en a mis une, il a fait une bourde. Mais là, il dit j'ai pas vu, t'es le mal. Oui. Il con donc. Mais pourquoi ? Parce que c'était les dents, si j'avais fait les bonbons, ça serait passé mieux bien ou pas ? Sûr. une pensée pour mon oncle qui a perdu l'usage de ses jambes, ils lui ont amputé les pieds. Je suis très à l'aise avec mes nouvelles Nike. Mais non, je l'ai pas fait exprès. Oh bah non. C'est parti tout seul. Vous aimez Bardas, au travail, plutôt que de rire bêtement dans le micro, on y va. On choisit quelqu'un au hasard sur Twitter, on donne son nom, on la suit, on lui met un petit message en privé et elle a une minute pour laisser son numéro de téléphone. Tu me dis stop, ok. Et il me parle dessus, mais il ne comprendra jamais. C'est vrai, ça. Allez, vas-y. Dépêche-toi. Mais go, top, arrête là. Je ne connais personne, c'est au hasard. BMRS85. Allez, go. BMRS85, on dirait. Salut, c'est BMRS85. Ça roule sur le grand ruban. Tout à fait, on t'entend bien. Tu lui mets un petit message ? Ouais. Tu lui mets quoi ? Bah, je lui dis un truc, bien joué, t'as été sélectionné. Tu lui dis comme t'as ça. T'as tapé tout ça en deux secondes, bravo. Bah, je l'ai écrit avant. Il a fait un copier-coller, je l'ai vu. J'ai pour avant. Gagner du temps. Il est malin. Il n'est pas que bête, hein, il est aussi pas fin. Ah, déjà, direct. Hop. Allez, ne tremble pas comme hier. Ah, oui. Cours, sors, où tu sors. Pourquoi il a pas voulu le faire sur l'écran à côté de toi? Je sais pas, hier il nous a appelé Macron, il s'est trompé. Là. Il appuyait, vous savez, avec son doigt, il appuyait deux chiffres en même C'est temps. Vrai en plus. Il tremblait, il avait. On a appelé Tombouctou hier. Il y avait un numéro, ça a coûté cher. En PCV. Ça y est, le numéro est parti. Attends. Suspense. Allô. Allô. Ah, ça a décroché. Oui. Serait-ce MRWC125, j'ai oublié le... Oui, c'est ça. Quel est ton prénom ? Chloé. Chloé, je m'appelle Chloé. Oui. Ouais, Chloé. Ouais, Chloé, Chloé, ouais, bah bim. On est sur Énergie, ça va Chloé ? Oui, ça va et toi ? Ça va très bien. Est-ce que tu es fan d'Ariana Grande ? Oui. Fan, fan, fan ? Oui. Comment s'appelle ce titre ? Dangerous Woman. Ah, c'est pas ça du tout. Ah, dommage, tu l'as mal dit. C'est Dangerous Woman. Woman. Woman. Ah, est-ce que tu serais prête à partir à Londres ? Oui. Est-ce que tu serais prête à aller voir son concert privé ? Oui. Parce qu'il s'agit pas d'une fois arrivée à Londres de dire « Oh, c'est beau, je vais faire des photos. » Faut aller voir le concert privé. Tu es plus fan de Londres ou d'Ariana Grande ? Ariana Grande. Ma chérie, demain, tu es là pour la grande finale. Tu es pressée. C'est peut-être toi qui va gagner et qui va aller voir Ariana Grande en show très spécial à Londres. Je te fais un gros bisou, ne raccroche pas, d'accord ? D'accord, merci. Bisous ma chérie, bonne soirée, je t'embrasse fort. À bientôt, bisous. Demain, on va revenir. Demain, n'oubliez pas donc le thème de l'émission de, demain, oui. C'est les rencontres qui se sont faites sur des sites de rencontres, mais qui se sont mal passées, ça ne ressemblait pas à la photo, c'était... C'est vraiment, on est plus déçus qu'agréablement surpris. Hein. Mais tiens, d'ailleurs, vous nous direz ça aussi. Vous aviez liké quelqu'un et finalement, en vrai, il est plus beau. Ben oui. C'est possible. Arriver. Ah, c'est possible. Rare. Mais c'est possible. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je vais vous laisser avec Rico et avec toute l'équipe. Ça va les gars ? Yes, ça va Koé ? Tu es en forme, tout va bien ? Écoute, en bonne forme. Et toi ? Merci pour le déjeuner ce midi. Hein. Ah bah je t'en prie, on s'est régalé, on s'est marré. Ça t'a pas coûté trop cher, j'espère. Non. Ah, écoute, non, ça va. Ça, ça va. Non, j'ai craqué franchement... le PEL. Franchement, j'ai appelé CTLM. On était là, on a bien mangé, on a passé un bon moment. Franchement, c'est vrai, un déjeuner qui se termine à 15h30, c'est pas mal. Ouais, ça c'est du déj. Mais vous étiez où ? Oh, j'étais à côté. T'es à côté d'ici. Ah, c'est les adresses de Koé, hein, oui, tu connais. Mais on était là, on était détendus. Et je vais être honnête avec vous, à un moment donné, Emrika m'a dit tiens, est-ce que tu veux qu'on fume un petit cigare pour se déjeuner ? J'ai dit d'accord. C'est Emrika qui a dit ça, t'es sûr ? Oui, oui. Ouais, c'est ouais. Vrai oui, c'est moi, papa. Non, mais on était très détendus, t'as sûr. On était là. Oui. Non, on c'est vrai qu'on était bien. On était tranquille, on disait bonjour à des gens qui nous disaient bonjour, on faisait des photos. Eh, Koé, heureusement qu'il n'y avait pas les équipes. Et pourquoi ? Oh bah ça aurait été moins bien. Merci. C'est sympa ça. Mais non, on va s'en faire une tous ensemble. D'ailleurs, oui. Laisse-moi demander aux équipes. La cantine d'énergie, c'était sympa. C'était top. Vous avez aimé ? J'ai vomi à la fin du repas. J'ai fait une note de frais. Ouais. Je vous embrasse tous. Je vous laisse. Bisous à demain l'équipe. On vous embrasse. Du Rico Show. On revient demain. Bisous tout le monde. Ciao, merci. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico, et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Jusqu'à 23h, le Rico Show. Le Rico Show, sur Énergie. Yes ouais. On s'est régalé. Avec Koé, franchement, on a passé un super moment. Ça m'a donné envie de prolonger les vacances. Yes. Tu sais, comme ça, pendant 2 heures, quand t'es à l'aise, tu dis pourquoi les vacances continuent pas un petit peu plus ? Tiens, donnez-moi la bonne raison pour prolonger ces vacances. Vous déboulez 0800 70 42 48. On va faire l'appel du banquier dans 5 quarts d'heure. C'est le canular du jour. Vous allez kiffer, je vous explique ça dans 5 minutes d'ailleurs. Il y aura toutes les news du jour. Vous allez adorer, elles sont encore très grasses ce soir. Hein. Il y a du lourd, il y a des concours qui font notre émission. Heureusement qu'ils sont là, on salue les super cons, parce que vraiment on se régale. Hashtag Rico Show sur Énergie, vous êtes là et on va lire tous vos messages. N'hésitez pas à commenter l'émission et on parlera des addictions ridicules. Et ce sera encore une fois le retour du VTC. Wow. Deuxième candidat ce soir, vous savez que c'est vous qui prenez le contrôle du concept le plus ouf. Imaginez la scène, vous êtes client d'un VTC et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non ? C'est le VTC de la peur et c'est maintenant sur Énergie. Oui, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Restez bien avec nous. On démarre ce délire dans 1 heure. On s'écoutera aussi Drake, Kenji, Maroon 5. Tiens, Koé, on parlait pendant l'émission, se mettra Bella Ciao. Des beaux cadeaux, des PS4, on aura des TV LED, une GoPro, un iPad, des enceintes. Vous venez vous amuser avec nous. Ça va, ma Sarah ? Bonsoir à tous, bonsoir Rico. T'as l'air en forme, la cougar. J'ai 32 ans, bordel. C'est vrai qu'il rentre quand ton mec ? Alors dimanche. Ah bah tiens, on va lui donner des bonnes raisons de prolonger ses vacances. Ta meuf n'est pas plus fraîche qu'à l'aller. Fais gaffe, tu retrouveras pas mieux au retour. Arrête, il m'a vu filtrer là sur Insta, il m'a dit t'es trop belle, bébé. Ah ouais, c'est vrai. Je te jure. Doit commencer à voir la dalle. C'est ce qui explique cela. Ça va, Sylvain ? Eh ben ben écoute, en pleine forme. Ouais. J'attendais mon téléphone pour le petit gueuleton avec toi et Koé, mais bon. Ouais. Ah bah si, on aurait dû t'appeler pour la sécu. Ah, mais... Excusez-moi les artistes. Mais non, mais t'es con ou quoi? On va se faire une bouffe tous ensemble. Ouais, t'es fou quoi? Bien sûr. C'est ce qu'on fera, on fera avec les auditeurs même. Ah, trop on va s'organiser ça. Oui, oui, inscrivez-vous, on va s'inscrire. Yes, ça vous dit une bouffe avec tout le monde? Ah bah oui. On se fait une bouffe un soir. Comme ça, tu feras vraiment la sécu. Ça va, JM? Ça va au taquet, mon Rico, comme d'habitude, à fond. En bonne forme, il a l'accent du sud. Ça, c'est une raison, tu vois, quand il y a un gars qui a l'accent comme ça, de repartir en vacances. On est d'accord. Embrasse tous mes copains du sud, on est tellement bien dans le sud. Oh là là, qu'est-ce qu'on fout à Paris? Sérieux, il a plu aujourd'hui en plus. Ça flotte, mais terrible, ça flotte, j'en peux plus. Franchement, une bonne raison de prolonger ses vacances. Oui. Tu sais, c'est quand tu sais que quand tu rentres chez toi, t'as toutes les amendes de l'aller. Tu sais, quand tu t'es fait flasher, t'es passé une ou deux ou trois semaines de vacances, tu sais qu'au retour elles sont toutes dans la boîte aux lettres. Non, non, pas ça, t'as pas envie, les amis. Tiens, toi, JM. Eh ben moi, c'était la même chose au début, sauf que la deuxième chose aussi qui veut que je prolonge mes vacances, c'est le retour de mon patron. Tu vois, il me demande même pas comment ça va. Oui, tu vas bien. Non, direct. Eh oui, c'est vrai qu'à C8, c'est des enfoirés. Et en plus, quand je parle à la radio, il me met le jingle. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Moi, il me saoule, ce patron. Ah, il est méchant. Ah, il est super dur. Ouais. Toi, il est bien ton patron, Sylvain? Ouais, je l'adore. Ah, oui. Ah ouais. J'attends l'augmentation d'ailleurs. Ah, t'as pas tort. Le 29, vaut mieux aimer son patron. Allez, on se met Drake et on vous reçoit à 0870 70 42 48. C'est votre émission, on est bien ensemble. Le Rico Show, c'est votre émission. Tous les soirs, 20h-23h. Avec Aymeric Pommerier sur Énergie. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And then when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Bad bitches and we kissing in a way, kissing, kissing in a way, kissing, kissing in a way. I need that black card in the code to the safe, code to the safe, code, code to the safe, safe. I show 'em how to network, but that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you and I need you, and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. Les vacances, mais quand? Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle saison à vos côtés. Et on va pas vous lâcher. Chaque soir, c'est le Rico Show avec Aymeric Bonnery. 20h, 23h sur Énergie. Ouais, les amis, on se fait rêver. motivés et on rêve à un prolongement de vacances et à des motifs valables. Ouais. Sarah. Oui. Ah oui, parce que moi c'est fini les beaux gosses bronzés, bien gaulés, qui te sourient là, c'est GG du PMU, les dentés, tu sais. Ça va, petite dame. Alors, c'est pas notre faute si tu t'es mariée avec. On embrasse Mehdi, je l'adore. Mais voilà, t'avais qu'à pas. Hein. C'est pas GG, c'est Mémé. Mais c'est pareil, 0870 42 48, Naël est là d'Argenteuil. Ça va, Naël ? Salut, ça va et toi ? Écoute, on est en pleine forme. Une raison valable de prolonger les vacances, Naël ? Une raison ? Ouais. Moi, ce serait les dossiers que je trouve quand je rentre du travail. Enfin, de vacances, pardon. Ouais. Tous les dossiers, parce que j'en ai 300 à gérer par semaine. Ouais. Oh. Allez, ah ouais. Ça c'est les dossiers au bureau, ça. Les dossiers au bureau, ouais. J'ai 300 dossiers à gérer 300 par semaine. Bah, tu vois, Sylvain, il a un peu les mêmes soucis que toi. Il a du dossier. Sauf que lui, c'est pas des lettres, hein, Sylvain. Non.